c'était ça là. J'avais dit, si vous faites le convoitirage, je suis prenant. Avant, je savais que tu allais commenter. Vous avez compris ? Je suis prenant. Je suis preneuse. Preneuse, voilà. Et ce qui m'a attaqué, c'est que... Mais entre vous, pourquoi... Non, c'est quoi le mot convoitirage déjà ? C'est preneuse ? Non, ah. Pour convoitirage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as la même voiture pour aller ensemble. Toi, tu as une voiture aujourd'hui. Convoitirage, que je sais, les gens... Ils se mettent ensemble quand ils payent. Non, le covoiturage, en fait, à la base, après, c'est devenu une activité lucrative. Ah. C'est plaisant, c'est vrai, c'est bien. La personne a... Pas... Non, dans vos cas, je vois mal que quelqu'un parmi vous va faire payer l'autre. Non, le covoiturage, c'est le fait de partager la même voiture. C'est quoi, c'est partager une voiture. C'est quoi, c'est français. C'est quand même une simple voiture, les gens ne veulent pas. Bon, alors tu nous devras. Gratuitement. Non, mais nous, c'est moi, du moins, plus de l'essence. Et maintenant, on va continuer. Ah, qu'est-ce qu'elle m'a acheté là? C'est du quoi ça? Du pina colada et de l'ananas. Tout le monde sait ce que c'est. Et du quoi? Pina colada. Ça veut dire quoi? C'est Sarah qui l'a acheté. C'est pour toi que je l'ai acheté. Hein. Ah, moi, c'est bon, là. Moi, je l'aime beaucoup, ça, là, le coco. C'est une combinaison alcoolisée à la bonne ouais, mais celui-ci n'est pas alcoolisé. Ah, mais c'est comme le bluff bière sans alcool. Les bières sans alcool. Oui, c'est comme le mojito. C'est un bluff ça. Oui, mojito sans alcool, c'est vrai. Ouais, c'est un bluff parce que pourquoi appeler ça bière donc? Donnez-lui un nom. Puis la colada sans alcool. Voilà. Non, bah, je parle pas de vous. Je parle de. L'industrie... Voilà. Bière sans alcool, ouais. Champagne, sans alcool, non alcoolisé. C'est pas ah non, champagne halal, voilà. Ouais. C'est de la foutaise. Vinaigre d'alcool halal. Comme vinaigre si... d'alcool, il est halal de base, non? Non, vinaigre en soi n'est pas... Vinaigre qui soit pour l'alcool, avec sans alcool, c'est pas... En fait, le vinaigre même ne peut pas être alcoolisé parce que le bon vinaigre. C'est du vin aigre. Ça veut dire ce qui n'est pas alcoolisé. Oui. Il a perdu son pouvoir alcoolique. Ok, on y va. On y va. C'est ouais. Pas trop faux, tu l'as pas envoyé un tout petit peu pour goûter. Tu l'aimes pas quoi. Je ne sais pas. Ah, et quoi? J'ai dit, vous n'êtes pas un peu rond, vous n'êtes pas versé une petite quantité au cas où vous aimez je pas. Je ne connais pas les miniatures, moi. Non, mais au cas où vous n'aimiez pas, c'est ça le. Ben, j'en suis sûr que je n'allais pas le verser. Même si je n'aime pas, je vais continuer de boire celui-là. En fait, nous, on a la philosophie où quand on n'aime pas, enfin, dans les sociétés occidentales, c'est des sociétés de consommation. Oui. Donc, du coup, on va consommer que ce qu'on aime. Et on a. Et comme goutte, c'est pas bon, on va le déposer. C'est vrai. Après, s'il faut le jeter, jeter. Mais moi, que ça me plaît, je vous parle de ce que je l'ai mis. Il ne va pas aller à la poubelle. Oui. Hamad, mon cerveau, il fume à la bouddha. Franchement. Écoutez, je vous écoute. Attendez, verdict. Non, c'est bon? C'est bon, voilà. Merci. D'accord, mais j'ai jamais joué le contraire. T'as dit que c'est pas bon. J'ai dit pour moi, j'ai dit qu'il va tout moi-même. Voilà. Simplement. Ton cerveau, il fume? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, non, lui, quand même. Non, parce qu'il a, il a des questions qui. Ah, d'accord, ok. Qui fusent dans sa tête. Allez, on y va, on y va. Bon, en fait. Tu parles de relations. Je peux me permettre d'évoquer un petit peu le programme que tu sais pas? En fait, il ah, prévoit. Non, ça ne serait plus. Alors, moi, t'as l'air, il m'a dit, je sais pas, j'ai rien préparé. Brièvement. En fait, bon, tu m'arrêtes quand je me trompe. Donc, monsieur Hamad, dans le programme, en tout cas, qui va être dédié aux filles, il prévoit d'évoquer la notion de bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Comment être heureux dans sa vie? Et dans cette quête-là, il met en avant plusieurs perspectives et plusieurs points. Se positionner dans le temps, savoir se positionner face aux autres, de façon générale. Et puis à un moment donné, il y a aussi, j'aimerais bien qu'on évoque se positionner dans la destinée. C'était le cours qu'on avait fait il y a 4 ans. Mm-hmm. Et du coup, enfin moi, ce que j'aimerais évoquer aujourd'hui avec vous, si c'est possible. Mmh. C'est vraiment, bon, le bonheur en réalité, c'est une quête de satisfaction, de bien-être. Même si c'est très ambigu ce que je dis, c'est volontaire. Hein. Mmh. Mais moi, l'aspect qui m'intéresse, c'est par rapport à la relation à l'autre. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que les relations aux autres, moi, quand, enfin, pendant le Ramadan, la lecture du Coran, c'est principalement ce que ça met en avant pour moi. C'est-à-dire les histoires des prophètes en interaction avec les gens, principalement de leur famille. Moussa alayhi salam avec sa mère, en tout cas la mère, l'enfant, la relation qu'elle va avoir avec un enfant. Ibrahim alayhi salam avec son père, avec son fils Ismaïl. Moussa alayhi salam, bon, avec l'absence de parents. Youssouf alayhi salam avec ses frères et puis avec son père, Yaqoub. Voilà le rapport. Lout avec son fils. Avec sa femme, Noah avec son fils, Myriam avec le rapport conjugal, le fait d'avoir un enfant, enfin voilà, il y a toute la dimension un peu maternelle, voilà. Ouais. En fait, toutes ces histoires, et du coup, alors, tu nous présentes des relations entre les gens comme quelque chose de, pas de simple, mais en tout cas, tout à fait pragmatique, matériel. Ouais, de façon claire, en fait. Le problème, c'est que... Binaire, je sais pas comment... Ouais, en fait, elles sont logiques, c'est quelque chose qui devrait être... Et en fait, le truc, c'est que le Coran et l'islam de manière générale régit la relation un à soi, à Dieu et aux autres. Après, dans nos vies respectives, on va avoir des parcours de vie où il y a cet idéal auquel appelle l'islam, tu vois, des relations saines qui sont basées, voilà. Mais que ça, c'est la théorie, la pratique, c'est pas ça. On a tous dans nos familles, dans nos vies, dans nos relations, quelque chose qui va à l'encontre de ce bien-être. Donc du coup, on est dans un conflit, parce qu'on a un idéal relationnel. C'est ça. Et voilà. Et après, c'est savoir, du coup, dans ça, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce qu'il faut privilégier, justement... Allah subhanahu wa ta'ala, il enjoint à dépasser parfois le différent. Tu vois, on dit, il y en a plein, nous, dans nos cultures, on nous parle de Sirat al-Rahim. Tu vois, il faut entretenir quand même bon gré malgré les liens de parenté, la relation familiale. Mais des fois, à quel prix? Des fois, tu vois, on peut avoir dans nos schémas familiaux des gens qui sont aux antipodes des valeurs de l'islam. Tu vois, qui font d'emblée dans quelle limite il faut supporter. Tu vois, est-ce que c'est vrai être patient avec quelqu'un? C'est bien. Et le prophète, alayhi salam, sa vie, elle a été ça aussi. Il y a certains aspects de sa vie, et notamment principalement son oncle, où tu vois, ça a été son premier protecteur, mais ça a été aussi celui qui malheureusement jusqu'au bout n'a pas reconnu l'islam. Et en ça, tu vois, je pense que lui, il est l'exemple vraiment de patience. Et voilà. Moi, tout ça, je voulais principalement orienter vers ça, en tout cas aujourd'hui, parce que je sais que c'est un aspect de ce que tu vas traiter pendant ta présence. Ouais. Et voilà. Donc, en fait... C'est super intéressant ce que tu as dit. En fait, vous savez, tout ce qu'on est en train de dire est beaucoup très large, dont je ne peux pas seul me rappeler de tous les points. Je crois qu'à travers vos questionnements, que certaines choses vont s'éclaircir. Ce qu'il faut comprendre, l'islam est un système, est une religion qui n'est pas venue amener quelque chose nouvelle. L'islam, tout simplement, a cadré ce qui est. Tout simplement. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas voir la religion comme quelque chose qui a amené une nouvelle perspective qui est extérieure à la nature. C'est un système qui est venu pour normaliser, régler la nature. Donc ça veut dire que ce sur quoi l'islam va parler est déjà ce que vit l'homme. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc ça, il faut comprendre. C'est pour cela. Il ne faut pas avoir une approche, comment ça s'appelle, de foi, non, abstrait à l'égard de la vie de tous les jours. Quand je dis abstrait, je voudrais dire... comme les chrétiens font la différence entre ce qui est sacrados, ou comment ils appellent ça, et de ce qui est laïque, de ce qui est ecclésiastique. Donc l'islam, ce n'est pas dans ce optique. C'est-à-dire que chez les chrétiens et les juifs, il y a des pratiques qui sont rituelles. C'est des rituels, des rites, vous voyez. Et ces rituels-là n'ont aucun sens, en réalité, que tout simplement la raison pour laquelle on le fait. Ils n'ont aucun sens pour, que simplement pour la raison pour laquelle on le fait. Par exemple, le Shabbat, par exemple. Pour le juif, le Shabbat qu'il va faire, c'est parce que seulement c'est un rite religieux demandé par Dieu le jour du Shabbat. Ou bien une tradition qui a été faite par les aïeux et les ascendants, les descendants la répètent. Et l'objectif, c'est seulement de répéter ce que les aïeux ont fait. Donc, la sacralisation de l'action. Donc, il ne faut pas regarder dans les commandements de l'islam un truc sacré. Est-ce que vous avez compris? Il ne faut pas le voir comme sacré. C'est pas du sacré, c'est du profane. Les rites en islam. Le tout. Maintenant, je peux dire que les choses sont divisées. Je parle du côté relationnel. Je parle du côté relationnel. Vous avez compris? Par exemple, la prière, le jeûne et rituel. C'est des choses définies et c'est pour cela justement. Chacun a une raison. Même les rites, ils ont des raisons. Ce n'est pas comme je dis dans le christianisme. Ce que nous considérons comme sacré, le mot sacré d'ailleurs, ça veut dire quoi en réalité? Ça, c'est une bonne question. Voilà. Donc cette notion, cette vision du sacré que le chrétien, le juif a, ce n'est pas la même chose que dans l'islam. Vous voyez, le sacré, si nous l'entendons, c'est l'intouchable, chose qui est intimement lié au divin, qui a quelque chose, un aspect extraordinaire. C'est ces termes-là que nous voyons dans le mot sacré. Alors que les pratiques dans l'islam n'est pas sacré. C'est tout ce qui est lié au relationnel. C'est tout simplement pragmatique, civil et donc pragmatique, civil et profane. Donc, est-ce que tu as vu quelque chose? Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent? En fait, il y a deux définitions. La première, c'est qui appartient à un domaine interdit et inviolable, voilà. par opposition à profane, et fait l'objet d'une vénération religieuse. Donc, elle n'a aucun sens réellement, un sens logique. Et la deuxième définition, c'est qui est digne d'un respect absolu. Voilà. Qui n'a aucun sens. C'est seulement le respect qu'on a dedans, et c'est fini. Vous voyez, je vous donne un exemple d'un compagnon du professeur Lalessane qui posa le professeur Lalessane à propos du sacrifice. Et dit, c'est quoi ces sacrifices que nous faisons? C'est le compagnon qui pose la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, je parle de l'Aïd. Il dit, c'est la tradition de votre grand-père Ibrahim. Vous voyez, c'est la même idée des juifs, ça. C'est la tradition de votre père Ibrahim. Donc, la tradition, quelque chose que notre père Ibrahim a fait, nous le répétons. Et c'est ça qui fait le lien entre nous et nos aïeux. Est-ce que vous voyez? Et le compagnon va dire au prophète, mais quelle est notre part dedans? Quelle est notre part? Oui, on est des descendants d'Ibrahim et on perpétue sa tradition. Mais à la fin, à quoi ça va nous servir, nous? Et donc là, vous allez comprendre que le compagnon est dans une perspective logique et lucratif, qu'on gagne. Ce qui rapporte. Et là, dans une démarche aussi individuelle. C'est-à-dire, si c'est la tradition Ibrahim, c'est notre grand-père, nous répétons ce qu'il a fait. Mais moi, en tant qu'individu, c'est moi qui paye tout ça, et c'est moi qui fais toutes les dépenses. Mais qu'est-ce que ça va me rapporter de me casser la tête chaque fois? Vous voyez, le fait seulement de répéter ce qu'Ibrahim fait, et que moi je n'ai aucun gain matériel ni rien. Donc il voit que c'est pas normal. Et donc c'est là que le professeur de la Réseau lui dit, chaque poil de l'animal, vous avez récompense. Donc vous voyez, là, le compagnon a trouvé la réponse de sa question. Chaque poil de l'animal, vous avez de la récompense. Vous voyez. Et donc il pose la question, et la laine, parce que le mouchard, les poils des animaux sont différents en fonction de leurs épaisseurs. Il dit, et la laine, parce qu'il y a des animaux qui ont de la laine, d'autres n'en ont pas. Il dit, à chaque petite fibre de la laine également, vous avez de la récompense. Donc ici, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les compagnons en soi, ne font pas leur sacrifice parce que simplement c'est un ordre sacré. Ou bien parce que sacré dans le sens de respect ou de la tradition. Mais ils le font parce qu'il y a leur intérêt dedans, parce qu'ils y gagnent dedans. Vous voyez? Donc c'est pour cet intérêt, ce gain-là, qu'ils font la chose qu'ils sont en train de faire. Donc, vous voyez? Donc. En fait, vous voulez dire que quand les Juifs ils font Shabbat, ils n'ont pas de récompense derrière? Quand ils font tout leur rite, ils ne cherchent pas la récompense. Et est-ce que c'est pas plus pire dans leur c'est relation pas, c'est avec pas comme les musulmans. C'est pas comme les musulmans. Chez les musulmans, c'est l'acte, c'est l'action, c'est le travail qui compte. C'est-à-dire que tu travailles, on te paye. Parce que vous voyez. L'effort qu'on a dépensé, il est récompensé. Voilà. Mais alors que les Juifs et les chrétiens, ce n'est pas le cas. C'est vous avez parlé idée. De pragmatisme, mais ça veut dire qu'en fait, notre relation, il y a une partie, une dimension où aussi elle est intéressée, en fait. J'ai pas compris. Dans nos actes. Oui. Il y a une partie qui est intéressée, elle n'est pas vouée plus exclusivement pour répondre aux ordres d'Allah. Bien sûr. Non, mais c'est ça les ordres d'Allah. En fait, c'est ça les ordres d'Allah. Quand on dit les ordres d'Allah, mais tout ce que nous faisons. Oui, mais c'est pas gratuit. En fait, ce que je veux dire, c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette question qu'il a posée, il est dans l'ordre d'Allah. Maintenant, il veut savoir pourquoi Dieu nous a ordonné ça. Est-ce que tu as compris? Pour permettre une récompense. Pour permettre une récompense pour l'ordre des choses. L'ordre des choses est très important dans la vie. Les relations familiales, c'est l'ordre des choses. Si moi, je respecte mon père respecte mes frères, il va avoir une cohésion de la famille. Et notre famille va être la famille normale. Alors que si nous enfreignons les règles définies, dans le respect de la famille, on va perturber la famille. Et notre famille ne fait pas partie de la famille normale. Et toute la société, et comme notre famille, la société va s'effondrer. Justement, pourquoi les sociétés occidentales aujourd'hui, même en Occident, les intellectuels voient la chute de l'Occident. Pourquoi on en a écrit? Parce que ces principes qui sont des principes naturels, que la religion est venue consolider, ont été enfreints pour des principes pour assouplir l'égoïsme de certains. Oui. Donc voyez. Donc du coup, les règles sociales ne fonctionnent pas comme elles doivent fonctionner naturellement. C'est la nature qui définit les règles sociales. Tout ce qui est dans la nature a sa règle. Après, l'homme va venir, pour son égoïsme, déformer cette nature. Et c'est sur cette nature que Dieu a amené à envoyer les livres. C'est pour que cette nature soit préservée. La religion, l'islam, est venue préserver la nature, tout simplement. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je disais tout de suite, qu'il n'a pas amené quelque chose d'extérieur, ni quelque chose de nouveau. Il n'est pas venu fonder. Il est venu reformer, organiser. Disons organiser. Reformer dans ce qui a été détruit, ou bien ce qui a été perturbé, et organiser ce qui est déjà. Quand vous regardez dans Sourate Al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala, l'histoire de Iblis et Adam, quand il dit, Ibitu min hajami'an, descendez tous. Vous voyez, c'est dans les premiers versets de Sourate Al-Baqarah, après l'histoire de Adam, après la prosternation, quand Dieu a ordonné la prosternation des anges, et Iblis, puis Iblis a refusé. Qu'est-ce que Allah va dire à Adam? Oskun anta zawjuka al-janna fa imma yatiyannakum min hudan. Voilà. Un messager ou un message va venir. Et un guide va venir. Celui qui suivra cette guide, qui n'ait aucune peur ni de tristesse. Est-ce que tu as vu cet endroit? Dis-moi ce que tu vois là. Je suis au Allama Adam al-Asma. Non, continue un peu. Non, plus que ça. Vas-y, 5 versets après. Azal al-Humma, Shaitan al-Humma. Fa'akhla diyahumma mimma kana fihi. Voilà. Voilà, on leur a dit descendez. Vous avez un endroit sur la terre à vous séjourner jusqu'au moment prévu. Continue. Adam va demander pardon à Dieu, tandis qu'Iblis ne demande pas. Donc Dieu a pardonné à Adam. Donc il a effacé son erreur. C'est 25, hein, c'est ça? Oui, continue, c'est pas fini. C'est ça. C'est là que je veux dire. Et Dieu va dire à Iblis et à Adam, descendez tous. Voyez? Quand un guide ou une guidée va venir, la guidée est constituée de l'individu qui va la porter et le message elle-même, qui est la prophétie. Le prophète est la prophétie. Donc ça, c'est depuis le début. Et cette guidée, c'est la guidée de quoi? C'est là que je voudrais venir. Ce n'est pas la guidée de prier et de jeûner. C'est la guidée de tout ce qui constitue la voie à suivre dans la vie. Y compris tout. Ça veut dire que même la manière de cultiver ou bien de trouver sa subsistance fait partie dedans. Les relations sociales font partie de cette guidée. Ensuite, la prière, le jeûne, fait partie de cette guidée. Tout ce qu'on peut appeler adoration et de ce qu'on n'appelle pas, qu'on ne considère pas adoration, tout cela rentre dans la guidée ici. Il parle tout simplement de la feuille de route que Adam doit suivre dans sa survie sur la terre. Donc, vous voyez, donc ici, il y a tout dedans. Donc c'est ça le message. C'est ça le travail de l'islam. C'est-à-dire que la terre était déjà là. Les actes, les relations sont déjà là. Parce que Adam est là et sa famille est là. Et Iblis et tout ce qui concerne. Et on a vu que c'est cette même relation qui était le problème de relation qui est venu et que Dieu va envoyer ce message. Donc, les problèmes, la relation était déjà là. Après, l'islam va venir guider les gens sur la voie à suivre dans la vie. C'est ça l'islam. Donc, il n'y a pas quelque chose qui est sacré que d'autres n'est pas sacré. Je veux dire, dans tout ce qui concerne les relations entre les gens. Rien n'est sacré. Tout est logique et profane. Et la récompense, le contrepartie, si la personne a suivi la loi, le droit, il va déjà vivre le paradis sur terre. Et là, ça va rentrer dans notre cadre du bonheur, quand on parlait du bonheur. Ces règles-là qui vont être érigées, que Dieu a dit, la personne qui la suit et convenablement va vivre dans ce bas monde heureux. Vous avez compris? C'est verset 38. 38, voilà. Donc, la première des choses, c'est ça. En fait, je voudrais que vous compreniez tout simplement que la démarche ou la perspective de l'islam ne voyait pas que les choses sont sacrées, intouchables. Non, les choses sont tout à fait normales, logiques dans notre vie de tous les jours. Et c'est ça. Allez. pas quand elle a dit dans ce Paha. Paha 124. Quel verset? 24, 124. Waman a arada un dhikri. فإن له معيشة دنكة دنكة. Je pense que ça ne nous rappelle, mais elle va certes une vie pleine de gênes et le jour de la résurrection, il la même chose. Elle a une vie pénible. Vous voyez ici, la vie pénible. Donc, c'est la vie de malheur. La vie difficile. Et c'est cette vie difficile qui est synonyme de malheur. Et donc regarde la relation qu'il a fait, celui qui se détourne de mon rappel, c'est-à-dire du message que j'ai envoyé, la voix de guide que j'ai envoyé dans la vie, dans la survie. On ne parle pas de seulement prier, jeûner, non, on parle de toute la vie. Cette personne va vivre une vie pénible. Et donc dans l'inverse, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui ne s'est pas détourné de moi, décrit. Hein? Voilà, celui qui ne s'est pas détourné, il va vivre une vie, une bonne vie. Mais ça veut dire quoi, Ramadan ? C'est-à-dire que, en fait, tu dis que l'islam est venu rapporter, réorganiser, réformer la vie. En se rapprochant de ce qui est naturel. Oui. En faisant la promotion de ce qui est. Ce qui est naturel. Ce qui est naturel. L'ordre naturel. L'ordre naturel des choses, voilà. L'ordre naturel ne s'oppose pas à l'ordre religieux. C'est-à-dire que l'ordre naturel était la base. Et Allah a amené l'ordre religieux comme une législation aux humains pour ne pas dépasser l'ordre naturel. C'est-à-dire que si cette règle n'est pas venue, l'homme va transgresser l'ordre naturel. Et donc Dieu a amené l'ordre religieux pour, comme un garde-fou, à garder l'être humain dans l'ordre naturel. C'est tout simplement ça. Voilà. Et donc dans ça, en réalité, celui qui tend à vivre sa vie en adéquation avec les ordres naturels, exactement, conforme à l'islam, en réalité, parce qu'il y a une complémentarité. Oui, c'est ça. En fait, le bonheur, c'est ça. C'est ça. C'est pour cela. C'est pour ça que l'individu qui n'a pas reçu la religion peut vivre dans les bonnes éléphants de la règle religieuse. Allez, tu vois. C'est pour ça que nous voyons dans les sociétés où aujourd'hui cette occidentalisation n'a pas détruit les mœurs des gens, vous allez trouver beaucoup de monde qui ne sont pas musulmans, mais qui vit dans un ordre ressemblant à celui de l'islam. Est-ce que tu vois? Ouais. La prohibition, par exemple, de l'adultère, ils ont leur manière de se marier. Est-ce que tu vois? Ouais. Donc, prohibition de l'adultère, prohibition même de l'alcool. Voyez, si vous les voyez boire de l'alcool, ils ont une idée religieuse pour laquelle ce n'est pas pour se saouler, ainsi de suite. Vous voyez, prohibition de tout ce qui est mauvais, le vol, ainsi de suite. Voilà, donc ils ont toutes ces règles-là parmi eux. Le calomnie, ils le voient mauvais, parce que c'est dans la nature humaine, ce qu'on appelle instinct. C'est dans, tout ça est gravé dans la nature. Donc, quand on parle de la nature, c'est tout cet ensemble-là. L'homme vit dans sa nature avec une règle de justice qui est liée à la nature. Donc la liaison de l'homme avec ce qui l'entoure, plante, animal et tout. C'est pour ça que nous voyons les animaux vivent de la même manière. Les animaux ne transgressent pas les règles. Ce que nous considérons entre les animaux comme injustice n'est pas une injustice. C'est nous qui le voyons comme injustice. Vous voyez. Un animal qui va manger un autre n'est pas injustice. Injuste, c'est tout simplement sa ration alimentaire que Dieu lui-même lui a destinée à manger. Le chat n'est pas méchant quand il mange les souris. Vous avez compris. Et d'ailleurs, quand certains ceux qui ont suivi les animaux et leur caractère disaient que quand ils chassent, ils calculent, ils choisissent leur proie. Ce n'est pas n'importe quel qu'ils prennent. Voilà. Donc c'est ça l'ordre naturel. Mais c'est l'homme qui est venu détruire cet ordre naturel pour sa propre cupidité. Tout simplement. Donc voilà en grosso modo les choses. Et si nous nous conformons à cette règle naturelle dans toutes nos circonstances de la vie, pour résumer, dans toutes les circonstances de notre vie, nous allons voir que nous allons vivre une vie adéquatement heureux. Bon. C'est là où, comme disait... Je me rappelle, excusez-moi, vous connaissez Thomas Cook? Ça me dit quelque chose. William Cook. C'est moi qui vous dis. William. Vous avez au Cayol, au 12e, une rue qui s'appelle William Cook, je pense. William Cook. Attends. C'est dans le 12e. Là où il y a le métro, là. C'est un physicien britannique. Non, c'est bon. Un physicien. C'est gentil, merci. Donc, je me suis trompé de son nom. Ah, c'est trop? Ouais. Enlève un peu, Ahmad. Attends, il s'appelle... C'est un scientifique et haut fonctionnaire. Non, c'est pas lui. C'est pas de lui que je parle. Attendez. William Wood. Non, attends, William Wood, je pense. Oh, ou Thomas Cook, je sais pas, franchement, j'ai oublié. C'est un explorateur anglais. Oui, c'est Thomas Cook. Oui, parce qu'il y a des agences de voyage qui s'appellent comme ouais. Ça. Ah, donc c'est ça. Ça me parle. Donc c'est Thomas Cook. Mais on connaît que le côté l'Égypte de l'histoire. On ne connaît pas le... Qu'est-ce qu'il fait rêver? Un missionnaire baptiste est un homme d'affaires pionnier du secteur touristique. De tout le temps. Quelle année? Il est né en 1808. Ok. Lui que j'ai dit, il a fait toutes les Caraïbes. C'est peut-être lui, hein. T'as compris? Et c'est quand il va dans les Nouvelles-Guinées, la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Guinée, il va trouver, bon, qu'il y avait les aborigènes et tout, il vient avec son groupe, lui il est explorateur, et quand il est venu, il y a, vous voyez, l'arrogance occidentale, qui voit les hommes nus, qui se sont colorés là, qui se colorent tout le corps, et ils mettent ce qu'ils appellent le cache-sexe seulement. Et ces gens-là vont trouver les Européens qui ont trouvé les lacs où les ruisseaux sont pleins de poissons. Et ils en ont pêché abondamment, alors qu'ils ne sont pas beaucoup. Donc ils ont fait sortir les poissons dehors, qu'en réalité ils ne vont même pas consommer, ils ne peuvent pas les transporter parce qu'ils étaient dans une expédition. Les aborigènes qui vont venir, avec leur, tu vois, le truc là qui creuse le nez avec là, vous voyez, et des lances qu'ils avaient, des flèches et tout. Et ils s'arrêtent et regardaient les poissons qu'ils ont tués et certains oiseaux qu'ils ont tirés dessus. Et ils regardent à ces gens-là avec des regards méprisants. Ils regardaient les Européens avec des regards méprisants. Donc quand ils sont venus, ces gens-là, ils ont pris leur fusil. William, qui était le chef, leur a dit, baissez vos armes. Il leur a dit, écoutez, si vous tirez sur quelqu'un, on est combien? Et ils sont chez eux. C'est pas le capitaine britannique James Cook, plutôt? Vas-y. En tout cas... Le 29 avril 1970, le capitaine Cook a débarqué à Botanisé, près de Sydney, sous le regard des aborigènes australiens qui se trouvaient sur le rivage. C'est ça, c'est peut-être ça. Mais il l'a su ou pas? En tout cas, il a fait vraiment le tour de toutes ces îles-là. Et donc finalement, William va expliquer à ces gens, il dit, écoutez, vous savez pourquoi ces gens-là nous regardent de cette manière? Il a dit, écoutez, notre société, notre peuple, nous sommes des destructeurs. Voyez, les décisions-là, nous les regardons comme des barbares, alors qu'en réalité, c'est nous les barbares. Parce qu'eux, ils sont dans l'environnement, ils respectent l'environnement. Ils ne prennent des poissons que ceux qu'ils mangent. Et ils viennent de voir qu'on a détruit la vie de ces poissons-là. Et c'est ce regard méprisant qui fonce sur nous. Donc, cette idée de William, du regard de ces gens-là, c'est ça la vérité. L'humain, dans son état normal, quand il n'est pas infecté de ses idées de cupidité, et comme ça, Il ne plante de la nature que ce qu'il a besoin. Et c'est pour ça qu'on les voyait auparavant, ils vivaient en convergence avec la nature. Oui. Quand les Européens sont partis en Amérique, les bisons ont disparu. Les bisons ont disparu. Aujourd'hui, il n'y a pas de bisons que quelques-uns, que certaines personnes gardaient en collection dans leur chez eux. Parce qu'ils les ont tous massacrés pour leur peau, pour la commercialisation de la peau. Donc, vous voyez. Donc, c'est ça. Oui. Non, mais du coup, par rapport à cet ordre naturel des choses, comme tu disais tout à l'heure, s'il y a des gens qui vont vivre, après, je ne sais pas si ça existe, parce que souvent on évoque, mais des personnes à qui l'islam n'est pas venu, tu vois, qui n'ont pas eu connaissance de ça, mais qui vivent selon l'ordre naturel des choses. J'ai envie de te dire, jusque-là, ça va, mais après, quand c'est un individu lui-même, il voit le soleil se lever, il voit que la plante, elle sort du sol, il voit qu'en lui donnant un peu d'eau, tout va bien. Mais comme qui dirait l'autre, notre ami Sartre, l'enfer c'est les autres. Tu vois, quand tu commences à avoir des relations avec les gens, c'est là où ça commence à être compliqué. Oui, bien sûr. Mais moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse, Ravan. Oui, comment quand on commence. Oui, bien sûr. Quand les relations sont toujours compliquées au fur et à mesure quand les gens. La population s'élargit dans un petit endroit. Parce que déjà, vous avez votre problème. Quand quelqu'un vient s'ajouter à vous, vous avez deux fois le problème que vous avez. Parce que non seulement vous avez votre problème, vous avez ses problèmes aussi. Je dirais même trois fois, parce qu'il y a ton problème personnel, il y a son problème, plus le problème des deux, à la fois. Et donc, si c'est deux personnes, maintenant, quand parle-t-on d'un village qui vit ensemble, et c'est justement là que les lois vont intervenir. Les règles et les lois vont intervenir entre les gens. Donc vous voyez, au fur et à mesure, et au fur et à mesure que la population grandisse, au fur et à mesure que les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Donc on continue comme ça. Donc vous voyez. Voilà, donc donnez-moi un exemple de ce que tu dis. Là après, tu vois, par exemple, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, parce que là, toi, tu reparles vraiment de... du départ, c'est-à-dire qu'il y a eu des modes de vie, il y a eu des croyances, il y a eu des traditions. Alors après l'histoire fait qu'il y a eu le fatalisme absolument, il y a eu l'islam. Et comme tu dis, c'est venu pour établir. Hamza. Quand Hamza est devenu musulman, quand il est venu, parce que vous le voyez même dans le film de la Risala, il vient et trouve les Mekouas devant la Kaaba. Et qui est dans leur ce qu'ils ont l'habitude de faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'est là que Hamza a intervenu. Et il disait aux gens, parce que Hamza est connu, un grand guerrier, il disait, celui qui veut s'apprendre au prophète, qu'il vienne s'apprendre à moi parce que je me suis converti à sa religion. Et il était avec le prophète, il disait au prophète, tout ce que tu dis est la vérité. Parce que je le constate. Quand je suis dans le désert, je vois. Et donc, Hamza ici, voyez la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la nature. Ça veut dire la concordance de ce qu'il dit et de ce qui est la création de Dieu. Voyez. Donc c'est pour ça que je dis, la religion n'est que le décret qui est venu organiser la nature. Donc c'est quelque chose qui existe déjà. Maintenant, comment s'orienter dans cette grande sphère à la voie qu'il faut entreprendre dans une perspective donnée. Et c'est justement ça qu'on appelle la vérité. La vérité. Donc, l'homme est constamment dans la recherche de la vérité, tout le temps. Quand vous partez de chez vous, venez ici, vous voulez savoir la route à suivre pour venir ici. C'est ça la vérité, qui est votre recherche dans cet instant. Donc vous prenez cette route, vous rentrez dans une autre, vous avez la certitude que c'est cette voie. Et jusqu'à ce que ça vous amène. Vous voyez, quand on vous demande quelque chose, vous allez trouver, vous allez faire des recherches dans votre esprit pour trouver la bonne manière de trouver la chose que vous cherchez. C'est ça votre vérité dans cette circonstance. Et c'est cette même vérité que, comment retrouver cette vérité qui est le sujet des leçons que nous apprenons à l'école et partout. Et aussi le sujet des grandes recherches. On parle de recherche. Qu'est-ce qu'on est en train de rechercher? C'est la vérité. Dans le domaine quel qu'en soit. Et bien, la religion encore est venue orienter l'homme dans la voie de cette vérité. Comment va-t-il faire? Quels sont les pas qu'il va suivre, la voie qu'il va suivre pour retrouver cette vérité? C'est intéressant, mais c'est très ambigu. Hein. C'est très flou, mais du coup, il manque un peu de... Oui, je ne refuse pas cela, mais peut-être, moi je ne vois pas là que c'est flou, mais comme je voudrais vous dire, peut-être que je l'aurais dit, je le dirai Inch'Allah le samedi, mon objectif c'est quoi? Mon objectif dans tout cela, c'est vous détruire les idées reçues. Est-ce que vous voyez? Détruire les idées reçues et rétablir les idées telles qu'elles doivent être. Parce que notre grand obstacle à la vérité, c'est les idées reçues. Et donc, comme tu disais que c'est flou, ouais. Ce n'est pas parce que c'est flou, parce que peut-être vous avez d'autres idées reçues qui ne conviennent pas à ce que nous sommes en train de dire. Donc, à travers cela, comment abandonner ces idées reçues pour revenir à cela? Donc je crois que c'est là qu'il y a la difficulté. Voilà. C'est pour cela, d'ailleurs, j'entendais une fois, Tariq Ramadan disait que ben, ce n'est pas une idée de lui, c'est une parole tout simplement. Le livre lu est le livre contemplé. Vous avez compris? Le Coran, c'est le livre lu. Et la nature, c'est le livre contemplé. C'est-à-dire que les mêmes degrés que nous avons dans le Coran sont dans la nature. Nous pouvons les retrouver par la contemplation. Et c'est justement la raison pour laquelle le Coran lui-même nous renvoie chaque fois à la méditation sur la nature, à la réflexion. Vous voyez? Donc, et le Coran et la nature, les deux livres, l'accès qu'on peut avoir sur ces deux livres-là, c'est que Allah Ta'ala nous a créés et nous a mis un moteur de recherche qui est notre cerveau, notre intelligence. Et c'est à travers cette intelligence-là que nous allons découvrir la vérité et dans la nature et la vérité et dans le livre. Mais dans quel but découvrir cette nature? Dans quel but? Ouais. Le but de voir, de trouver la vérité. Et cette vérité a pour objectif, en fait, le fait de rechercher la vérité n'est pas en soi un objectif, mais c'est un moyen. La raison, ou bien l'objectif final, c'est que l'être humain est fait pour agir. Agir. Il doit agir. Agir pour le même qu'on avait dit au début. Comment vivre? Il doit vivre. Pour vivre, il a besoin de beaucoup de choses. D'abord sa survie. Boire, manger, pour rester en vie. Donc, trouver son intérêt de vie en mangeant, en buvant et la sécurité. Un hadith qui va être la base même de notre idée dans le cours, qui va être le début, le déclenchement de notre cours, ouais. Sur laquelle d'ailleurs notre cours va se baser totalement. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se réveille en sécurité et dans les siens, parmi les siens, est en bonne santé dans son corps, a sa subsistance du jour. Je dis bien du jour. C'est-à-dire qu'il a la subsistance d'aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Du jour. Du jour. Ouais. Comme si on lui a livré le monde dans son intégralité. Est-ce que vous avez compris? Ce hadith-là, retenez très bien, vraiment revenez à ce hadith-là et méditez-là. Il a cité trois choses. Et ce sont, en fait, le coup que je voudrais vous vraiment faire, c'est tout simplement, beaucoup pensent que le monde n'est pas un lieu de bonheur pour le croyant. Vous avez compris? Que ce bas monde. Hein? Exact, oui. Que ce bas monde n'est pas un lieu de bonheur pour le croyant. Et moi, je voudrais dire que cette idée, c'est une idée reçue et pas une idée religieuse. Rien ne le prouve. Est-ce que vous avez compris? Donc, je voudrais la déconstruire. Il y a une phrase qui dit ouais. Que cette vie, c'est le présent pour le croyant. Très bien. Je m'attendais à toutes ces choses-là. Et il y a une phrase que j'avais lue qui disait que cette vie, c'est une présent pour le croyant. Oui. Mais pourtant, il y a. Mais ça, y a ça ne veut rien dire. Je me souviens d'un doigt, tu demandes le bien ici-bas et dans l'au-delà. Oui. Toujours. Non, c'est l'inversé du Coran. Donc c'est. Ah, pardon. Hein? Donc c'est que c'est. Cinq doigts, bien sûr. Cinq doigts aussi. Non mais bien sûr, donc, ce doigt demande ce doigt ou ce verset du Coran est une preuve qu'on peut avoir le bien d'ici, on peut avoir le bien de l'au-delà. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Et donc le fait que ce bas monde est une prison ou une prison n'a aucun sens parce que c'est relatif. Est-ce que vous voyez? À quel moment l'être se considère en prison? Ou bien, un jour, Ibn Hajar, les savants disent, un jour Ibn Hajar, un juif rencontre Ibn Hajar, d'Égypte. Il dit, Ibn Hajar, regarde toi et moi. Votre prophète dit que ce bas monde est une prison pour le croyant. Ça veut dire le vrai croyant. Et un paradis pour le mécréant. Regarde, entre toi et moi, si on regarde, c'est ça le juif dit, entre toi et moi, qui parmi nous deux est en prison? Regardez, tes habits sont excellents, avec toute l'élégance. Le parfum, ça fume partout sur toi. Tu as toute, comment dire, l'aisance de la vie. C'est Ibn Hajar. Est-ce que vous avez compris? C'est lui qui a écrit Bukhari, l'interprétation de Bukhari et beaucoup de livres. Alors que moi, regarde, mes vêtements sont tous déchirés et tout. Je ne vis pas une vie qui est vraiment confortable. Donc s'il y a quelqu'un qui est en prison ici, c'est moi. Et s'il y a quelqu'un qui est dans le paradis, c'est toi. Et ton prophète a dit que le bas monde est une prison pour le croyant. Donc c'est moi le vrai croyant et toi, tu es le mauvais croyant. Donc ce qui montre que le judaïsme est la vraie croyance et l'islam n'est pas la bonne croyance. Parce que tu représentes l'islam, je représente le judaïsme. Donc vous avez compris. Ibn Hajar lui dit, il a dit, mais c'est que tu n'as pas compris ce hadith du prophète, parce que Ibn Hajar c'est le spécialiste par excellence des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, mais c'est que tu n'as pas compris le hadith. Il a dit, le hadith veut dire la situation dans laquelle tu me vois jouir de ce bas monde par rapport au paradis, c'est une prison. C'est une prison. Oui, c'est pas comparable. Oui. Donc, si on le compare par le paradis, moi, je suis en prison, là. Parce que quand je vais rentrer là-bas encore... Est-ce que tu vois? Alors que la situation dans laquelle toi, tu vis aujourd'hui, comparant à l'enfer, tu es au paradis. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est relatif. Vous avez compris? C'est relatif. Et donc, ça veut dire que, ici, ça ne veut pas dire, l'islamisme ne veut pas dire le malheur du musulman. C'est-à-dire que le musulman, quel qu'en soit le bonheur de laquelle il est dans ce bas monde, le bonheur de là-bas est encore beaucoup plus. Comme celui qui est en prison de celui qui est dans l'aisance. Vous voyez, quel qu'en soit le bonheur de la personne qui est dans l'aisance dehors, ce n'est pas la même chose que la personne qui est dans l'aisance en prison. Voilà. Donc, c'est pour cela que ce hadith ne va pas être l'argument dans ce sens. Amène-moi ce pastèque, s'il vous plaît. S'il te plaît. Moi, je mange avec des quoi? Fourchette. Non. Je suis choqué là. Il faut que je... Ça y est. Faut que j'évolue quand même. Hamad, là, tu vas... Détruire? Contre la nature. Ah ouais, je suis choqué. Ok, est-ce que vous avez compris? Hein? Oui. Non. Oui. Donc, voilà. Vous revenez voir ce que je suis en train de dire. Vous revenez voir le hadith. Vous m'entendez? Oui. Le hadith, c'est dit celui qui se réveille. Donc réveil, on parle du petit matin. Le matin, tu te réveilles en sécurité, parmi les siens. Donc la sécurité n'est pas seulement à toi, à ton entourage et en sécurité. Tu es en bonne santé dans ton corps. Ouais. Et tu as ta subsistance. Vous avez compris? Voilà les sources véritables même de du bonheur. Car il a dit la sécurité. Ça, c'est une définition du bonheur, la sécurité. Hein? C'est les bases fondamentales du bonheur. La sécurité, fondamentale. Ouais. Du bonheur. La sécurité. Oui, il a dit la sécurité. La sécurité, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que la sécurité? Qu'est-ce que la sécurité? Hmm? C'est une bonne question. La sécurité, c'est que ça ne peut pas manger notre sécurité, nos membres. Notre survie n'est pas menacée. La sécurité ne concerne pas seulement le côté physique, elle concerne aussi le sentiment. C'est-à-dire que quand il y a la sécurité, j'ai le sentiment d'être apaisé. Je n'ai pas quelque chose qui me tourmente. Il n'y a ni peur, vous avez compris? Il n'y a ni angoisse, ni stress. Toutes ces choses-là sont absentes. Et quand ces choses-là ne sont pas dans un cœur est apaisé, est tranquille. Donc vous voyez, donc tous ces éléments sont les constituants de la sécurité. Et c'est ça le bonheur. Quand je me sens tranquille, je n'ai aucune peur de quelque chose. C'est à ce moment-là, mon esprit ne serait pas préoccupé. Et donc, mon esprit va être libre. Et je peux jouir de ce que j'ai. Vous avez compris? Je peux jouir de ce que j'ai. Donc, la première chose qui nous amène l'apaisement de l'esprit, c'est d'abord la sécurité, la santé. J'ai la santé. Je sais que vous cherchez le hadith, Hamad, mais qui considère que sa subsistance soit en plus. Comment il commence le hadith? Celui qui se réveille en sécurité. Le problème, c'est que les traditions que j'ai vues, j'étais obligé de de faire, de corriger. Ah voilà, ce que je l'ai. Tu l'as trouvé ? Ouais. Le hadith, c'est alors. Celui d'entre vous qui se réveille le matin ne souffrant d'aucun mal dans son corps. Non, la sécurité d'abord. La sécurité parmi les siens. Voilà. Et possédant la nourriture de sa journée, c'est comme si l'on avait amassé pour lui tous les biens de ce bas monde. C'est un très beau hadith. Ça rejoint la gratitude en fait. Hein. Hmm? Ça rejoint la gratitude. Quoi gratitude? Gratitude, c'est quelque chose que quelqu'un te donne gratuitement. Bah, gratitude, non, c'est la reconnaissance. La reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Ah. Bah, parce qu'Allah, il nous donne gratuitement ça. Donc, vous avez ça, premièrement, je dis, c'est pas. Si vous avez ces trois-là, et c'est à ce moment-là qu'on va venir au mot que vous avez utilisé tout de suite, la gratitude, la reconnaissance, ce qu'on appelle la suffisance, la satisfaction, voilà le mot. Satisfaction, oui. Vous voyez. C'est vrai que je ne l'ai pas bien traduit. Ah oui. Moi, j'avais changé un peu. Même le hadith, c'était Man asbaha aminan fi sirbihi minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadi lahu quwwat yawmi. C'est ça le hadith. Fa ka'annama hiza lahu ad-dunya bi azafiha. Mais même aminan dans le Coran. Ouais. Voilà, on peut pas le. C'est, dur c'est là que vient le mot iman, qui est la guidée. La foi. La foi. La foi, c'est la sécurité, en fait. C'est l'élément que quand elle s'installe en nous, nous sommes en sécurité. Et donc, c'est justement la raison pour laquelle je dis, si nous jouissons des règles, mettons en pratique les règles que l'islam met en place, qui sont les règles concordantes de la nature, nous allons vivre une vie heureuse. Et c'est justement ça. Quand on parle de la foi, en arabe on dit amn, iman. Iman. Et amn, c'est la sécurité. Iman, c'est la foi. Donc c'est le même mot. C'est-à-dire que c'est la foi qui nous amène la sécurité dans notre vie. Vous voyez, la sécurité dans la vie d'ici-bas, la sécurité dans l'au-delà. Donc, ce hadith simplement nous explique que le bonheur dans la vie n'est pas seulement possible, mais elle est réelle dans l'islam. Et donc, ces ingrédients, ces trois points sont les causes qui mènent au bonheur de l'individu qui les a. Toi, tu dis trop mais il y en a 4, non ? Et toi ? Qui se réveille le matin ne souffrant d'aucun mal dans ce corps, donc la santé. En sécurité d'abord. Non, voilà, c'est. Aminel, fils à Béhi. C'est quoi, c'est le sien, les siens. Ah, bah tu vois, ouais, c'est vrai. Silba en arabe veut dire le troupeau. Dans son troupeau, ça veut dire son groupe. Bon. Son groupe, c'est la famille. Alors, celui d'entre vous qui se réveille le matin en sécurité parmi les siens. Très bien. Hein, ne souffrant d'aucun mal dans son corps. Mm-hmm. Ah, la substance. Ah oui, et puis possédant la nourriture de sa journée. Donc attends, Mohamed, sécurité, santé et subsistance. Voilà. Mohamed, la subsistance, à la fois, on a commencé un petit peu à en parler, mais la subsistance, on a l'impression que c'est qu'il y a des bons, et déjà, ils pensent que c'est qu'alimentaire. Oui. Et c'est qu'alimentaire. Non, la vie rentre dedans, mais généralement, quand on va en bas, pourquoi manger? Mais après, Hamad, dans le verset, je crois que c'est sur la Baqara, quand Dieu il dit et on va vous éprouver avec un peu de peur et oui. Un peu de. Et bien. La peur, c'est la guerre. Ouais. Le Coran, quand il parle de peur, il parle de guerre. Ouais. Et quoi encore? Un peu. Et la famine, pas la faim. Ouais, mais c'est toujours c'est la famine. Ouais, mais c'est oui. Et la diminution de vos personnes. Oui. De vous. Donc, vous voyez, il a dit épreuve. Et ce sont ces épreuves-là qui préoccupent l'être humain par laquelle il n'est pas heureux. Donc, les deux premières, on va pas s'attarder dessus. Mais après, il dit et la diminution de vos biens, ouais. de vos enfants. Et ça, c'est pas le risque? Les trois? Non, les enfants ne font pas partie. Les enfants ne font pas partie du risque? Non. Ah ben tiens, moi j'ai toujours cru que... Non. Et les conjoints, ça fait partie du risque ou pas? En fait, si nous... Non, jamais. Peut-être s'il y a quelqu'un qui doit faire partie du risque, c'est l'enfant. Parce qu'il est la cause. Mais il ne fait pas partie. Donc le risque, c'est vestimentaire et alimentaire. Surtout alimentaire. Ouais, parce que pourquoi... Enfin, pourquoi je te dis ça? Parce que les gens, quand ils parlent du risque, ils parlent souvent d'un autre hadith où le prophète dit, si vous vous en remettez à Dieu, il vous donnerait le risque. Mais c'est ça. Comme il le donne aux oiseaux. Et c'est ça, matin, c'est la subsistance, c'est le manger. C'est là, c'est ça. Et ben là, lui... La définition en... C'est la subsistance. C'est la subsistance. La subsistance, mais la subsistance, elle est quand même chère. Ouais, après... Mais l'alimentaire, c'est ça, même si ça risque. Mais je vais te dire pourquoi, parce qu'après... Là où tu vis dans le Coran, tu vas trouver que c'est ça. Par exemple, dans le début de Sourate al-Baqara, mais c'est pas que l'alimentaire. Non, ben, bien sûr, c'est ça. C'est que l'alimentaire. Oui. Et ceux dont parce on que, les a... Regarde. Pour vous, ceux dont on leur a pourvu, ils investissent, c'est-à-dire dans la zakat. Et la zakat, c'est dans quoi? L'animal, l'argent liquide et le produit agricole. Et c'est ça le... Il y a l'immobilier aussi. Non. L'immobilier, c'est le commerce. Le commerce, ça, c'est relatif à l'argent liquide. Moi, j'ai un petit problème avec ça, Hamad, avec le risque. Ben, c'est ton problème. Ouais, mais il faut que tu règles le problème. Je t'écoute. Non, mais je t'écoute. Ouais. C'est quoi le problème? C'est qu'après, tu vois... Là où tu vois dans le Coran, pas de risque. Ouais. Et de la subsistance, si tu veux, dans le premier ou le second abord. Premier abord, ce qu'on mange. Second abord, c'est ce qui nous permet d'être aisé. Comment on appelle ça? Ce qui nous permet d'être... Suffisant? Non, avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'on dit? Richesse? Non. Aisé. Aisé, ouais, des choses comme ça. Donc, et c'est ça même l'idée de la zakat. C'est pour ça que c'est dans ces choses-là il y a la zakat. Celui qui a sa subsistance et atteint un niveau où il a dépassé son besoin. Ouais. Donc, c'est celui-là qui donne la zakat. Donc, considère que si quelqu'un a cultivé et qu'il a eu 5 sacs, ces 5 sacs sont calculés en fonction de leur volume. Bon, ça fait 300, ça fait 300 kilos, je pense. Bon, kilo, ça ne veut rien dire, parce que ça dépend du poids des choses. Dans tous les cas, si la personne a eu 5, on peut prétendre que 5 déjà, ça va suffire pour sa famille, quelle qu'en soit la grandeur de sa famille, peut se débrouiller avec. Ouais. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il fait sortir de la zakat. S'il a de la bétail jusqu'à 40 têtes de chèvre ou de mouton, déjà il est aisé, il a dépassé le besoin. Et si il a thésaurisé de l'argent, l'or ou de l'argent, durant une année, une quantité de 84,25 grammes d'or, c'est qu'il n'a pas besoin, sinon ça ne peut pas faire un an. Donc cette personne, alors, il ne peut pas faire sortir. Donc c'est le deuxième niveau de la subsistance. Vous voyez, mais ça revient. Ces choses-là sont les moyens par lesquels nous mangeons, nous vivons. Donc c'est pour cela que quand on lit le Coran, là où il parle de risque, il parle de la subsistance, manger, boire. Partout. Donc quand on demande à Allah de rendre une large et abondante subsistance, c'est juste dans la nourriture. Non, mais quand vous dites juste, vous êtes en train de minimiser, c'est pas injuste ça. Non, oui. C'est tout, c'est quelque chose de d'énorme. D'accord. Hein. Non, attends. Oui, mais pourquoi je te dis ça? Parce que je pense que c'est l'idée de tout le monde. Parce que pourquoi? Parce que vous posez toutes ces questions-là parce que vous voyez que ça n'a pas de grande importance à le manger. Vous avez compris? Donc c'est là que c'est ça votre, c'est là que vous vous intriguer. Alors qu'en réalité, c'est même ça la richesse. La richesse, c'est de trouver de quoi à subvenir à sa faim. Quand vous regardez très bien, toute cette fortune, c'est ça le mot que je cherchais par là-bas, que les gens ont, en réalité, ne servira à rien. La fortune ne servira à rien. Même si on se casse la tête, on court dessus, et rien, croyez-moi, elle ne sert pas. Vas-y. Non, ce que je suis en train de me dire, ça ne sert à rien, mais si ça sert à se loger convenablement, à mettre ses enfants dans de bonnes écoles. Et crois-moi. Crois-moi donc, tu vois, c'est un facteur supplémentaire, l'école que tu dis. C'est un facteur supplémentaire. Et je le vois encore beaucoup plus supplémentaire dans notre temps dans lequel nous sommes. Je vais vous dire pourquoi. Donc, regardez. Si vous avez 1 milliard d'euros, vous êtes capable de construire combien de maisons? Avoir combien de voitures? Énorme. Et dans ces maisons-là, combien de maisons vous allez passer la nuit dedans? Une seule. Deux. Tout au plus. Allô? Non, une seule. Une seule, mais bon, on peut changer. Non, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Pour bouger un peu dans le monde. La maison d'été, la maison d'hiver. Voilà. À quoi ça sert? Bah, si je vais aller dans une ville, eh ben, je peux dormir là-bas, je vais pas à l'hôtel. Écoutez, je suis chez moi, là. C'est propre. C'est un luxe, en fait, d'avoir ça. Mais quand tu vas aller dans une ville, pourquoi tu vas aller dans une ville? Admettons, pourquoi tu ne vas pas rester chez toi? Passer des vacances. L'homme déteste, l'homme est toujours à de l'esticence de l'étranger. Pas forcément, il y en a qui vont aller, ça dépend. Non, ça ne dépend pas. Personne à côté. Ça ne dépend pas. Tu vas faire bien bouger. Ça ne dépend pas, c'est parce que vous n'avez pas d'endroit à vous épanouir. C'est pour ça que vous avez envie de sortir. C'est pour ça que vous ne voulez même pas rester dans votre maison. Après, si tu comprends bien. Les gens qui ont d'endroits, je me rappelle, il y avait à la maison, au pays, une personne donc, dans le bureau, on discutait. Il y avait un monsieur qui est venu chez eux, c'est un monsieur qui venait de la campagne. Donc, vous savez, chez nous, ce n'est pas des choses comme ça. Nous, on a des maisons horizontaux. Que les stages, là, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il y a de la place. Il y a de la place, c'est des villas que nous avons. Donc, dans ces villas, par exemple, chez moi, j'ai acheté deux parcelles de 400 mètres carrés. Donc, ça fait en tout 800 mètres carrés. Ça fait 800 mètres carrés ici, c'est vraiment quelque chose, c'est un pacha qui peut avoir ça ici. Mmh. Est-ce que vous avez compris? Donc, j'ai fait ma maison dans une partie et l'autre partie, c'est un terrain. Vous avez compris? Donc, eux, c'est juste, c'est pareil, c'est 400 mètres carrés qu'ils ont construit. Ils ont très bien construit. Le monsieur est venu de la brousse, chez eux, c'est une de leur famille. Il est rentré. Après, il est ressorti. Il est rentré dans la maison. Il essaie un peu, il est ressorti. Il est parti s'asseoir au bord du goudron. Il a dit, jamais il va rentrer là-bas chez eux encore. Que eux ne peuvent pas rentrer dans un endroit où ils ne voient pas le dehors, l'étendue dehors, devant lui. Parce que c'est une personne qui vit dans la campagne, c'est un berger. Et là où il vit, c'est une hutte fabriquée en paille. Donc vous voyez, et toute la journée, il le passe sous un arbre ou bien une tente. Et il voit tout l'environnement devant lui, autour de lui. Même si une personne voit vient d'un kilomètre ou combien de kilomètres, il le voyait. Donc lui, il ne comprend pas que les gens vont venir se fermer le monde de leur vue, alors qu'il y a la place partout. Il a catégoriquement refusé de rester à la maison. Il a même envoyé, il veut boire de l'eau. Il demande à l'enfant de lui amener de l'eau et boire. Oui, il ne supporte pas. Donc, quand tu es dans des environnements comme ça, quand tu voyages, c'est pour une nécessité. Mais tu ne veux pas quitter chez toi. Mais vous, puisque vous n'avez pas beaucoup d'endroits à vous épanouir, donc vous avez besoin de quitter là où vous êtes pour aller quelque part vous voir. Mais peut-être que vous avez dit vous n'avez pas beaucoup d'endroits à vous épanouir. Vous n'avez pas d'espace pour vous épanouir. Vous n'avez pas d'espace pour vous épanouir. Et puis Oui. Vous avez besoin de tout ressortir. Regardez, je suis là depuis. Quand vous n'êtes pas venu, du matin au soir, je suis là cloué entre combien quelques murs. Je ne vois rien devant moi. Vous voyez. Mais bien sûr, je fais deux jours, trois jours. C'est soit je déprime ou bien je sors dehors pour aller. Mais du coup, il y en a qui ont pris l'habitude de vivre dans cette ville-là. Non, mais c'est nécessaire. Ils ne veulent pas sortir. Non, ça devient. Hein? Il y en a, du coup, ils ont pris l'habitude. Ah, oui, c'est là, voilà, on se lève à 4. Et qui aident la tête dans des fois, ce. Ben oui, bien sûr, mais des fois, il y a une raison. Oui, oui. Il y a une raison psychologique. Que on arrive là, c'est petit pas partir. Voilà, certains ne veulent pas sortir. Moi, des fois, je vais chez moi pendant une semaine, je ne sors pas. Mais tu es heureuse ou pas au final? Mais je suis bien. Voilà, c'est la source de bonheur. Je suis bien. J'ai pas envie de. Ouais, mais de base. Contrairement au monsieur qui lui a l'habitude de voir, n'est-ce pas? C'est la merde. Mais de base, l'homme ne veut pas partir de chez lui. Ouais. L'homme est à horreur de ce qui lui est étranger. Sortir de sa zone de confort. Hein? De sortir de sa zone de confort. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Donc c'est ça. Mais pour les écoles, pour mettre ses enfants dans les meilleurs établissements. Non, quand je te disais ça. Vous savez, il y a des circonstances que. Il y a des choses que c'est les circonstances qui les créent. Ce n'est pas de réalité humaine. T'as compris? L'école de base. Ça, c'est ce qu'on appelle l'école publique, ce que tu es en train de parler. Aujourd'hui, les écoles sont devenues des écoles publiques. Mais quel est l'objectif de l'école? Voilà. De nous formater. Pas formater. Nous ne sommes pas des étudiants. Quel est l'objectif de l'école? Je me pose la question. Faire de nous des bons salariés ou des bons obéissants. Donc, tu vois, même ce que tu donnes comme réponse, en fait, tu ne vas pas à l'école pour toi. Donc, voilà, t'as compris. Et je pense que l'objectif de l'école revient à ce qu'on avait dit auparavant. L'école nous permet d'apprendre la vie, tout simplement, à vivre. Deux, nous guider dans le chemin de la vérité. C'est ça l'objectif de l'école. Aujourd'hui, l'école que nous avons. Je suis un peu. Voilà, moi aussi. Je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Mais l'école d'aujourd'hui que vous voyez, c'est plus une école de formation qu'une école d'instruction. L'école avant, c'est pour instruire. L'instruction, c'est de donner la connaissance à la personne. La connaissance, c'est ça que j'appelais la vérité. Et les vérités qui nous permettent de mieux agir dans notre vie. Ça n'a rien à voir avec le boulot. L'école n'est pas faite pour avoir un boulot. C'est pour ça que j'appelle cette école-là que nous avons l'école de formation. C'est le mode de vie du monde aujourd'hui qui a créé cette idée ou cette forme de l'école que nous avons. Je pensais que les personnes que nous disons, les Descartes et les autres personnes du Moyen-Âge, qui sont allés à l'école pour avoir un boulot dans leur spécialité. Non. C'est seulement pour l'instruction. Et l'école même de la base, c'est pour l'instruction qu'on a instauré l'école. Et d'ailleurs, l'école publique, elle est un besoin par défaut. Mais ce n'est pas un besoin de la base. L'école de la base, c'est l'instruction. L'instruction, elle se faisait auparavant par le père qui instruit son enfant, généralement, pour être comme lui. Vous voyez? Voilà. Et donc, l'enfant qui va suivre son père, dans, surtout, généralement, c'est la pratique. Et on apprend beaucoup de la pratique, plus que même de la théorie. Mais ça, une grande partie de la théorie, elle n'est pas praticable. Il disait que 25%, que 25% de la théorie est praticable. Donc les 115% en poubelle. Donc vous avez compris. Ça, c'était valable dans les sociétés d'avant ou... Non. où on faisait la je même parle profession. Tout simplement de l'humanité. Oui. Je m'en fiche d'avant d'aujourd'hui. Je parle de l'humanité. Et vraiment, c'est ça que c'est comme ça qu'il faut. Non, mais je veux dire qu'aujourd'hui, on n'assiste pas forcément à faire la même profession que nos parents. Donc Non, erreur, vous vous trompez sincèrement. Parce que quand tu dis aujourd'hui, tu parles d'un créneau de temps. Elle n'a pas de sens. Parce que tu ne fais pas allusion à la place, à l'espace. Elle est importante dans cette histoire. Quand tu dis aujourd'hui, dis en France. Aujourd'hui en France. Voilà. Mm-hmm. Ou en Occident. Parce que quelque part, dans d'autres... quelque part, ça se passe comme je suis en train de dire. Et je parle que, et je pense que c'est le maxi, la plupart du monde. C'est comme quand vous disiez que l'Occident, c'est une exception dans le monde. Voilà, c'est ça. C'est une exception. C'est peut-être un sixième de ce qui se passe dans l'humanité. Même si malheureusement, c'est ça qu'on prend comme exemple. C'est l'Occident qu'on prend comme exemple, alors qu'il n'est pas exemple. Il n'est qu'une petite partie de l'humanité. C'est un accident, je peux même dire que, qui n'est pas conforme à la nature. Qui n'est pas conforme à la nature. Elle est artificielle. L'Occident est artificiel. L'artifice, c'est ce que les êtres humains ont mis en place pour leur propre usage. Donc ce que nous voyons de l'Occident aujourd'hui est un artifice, c'est artificiel. Ce n'est pas la réalité humaine. Donc c'est pour cela, mets ça de côté. Je te comprends très bien, parce que c'est ça que tu connais. Donc tu n'as pas, tu ne peux pas donner d'autres exemples que ça ou d'autres questions que sur ça. Voilà. Donc quand je parle de l'instruction, je parle du cadre général. C'est pour ça que j'ai parlé de l'école. Je dis surtout l'école d'aujourd'hui, je me pose la question quel est son intérêt, parce que aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de baisse de niveau. Justement, je n'oublie pas mon livre. Mon livre. Je n'oublie pas mon livre. La fabrique des crétins. Il me l'a parce que j'avais demandé ça depuis très longtemps. Certaines personnes m'ont dit qu'ils vont me l'amener. Je savais pas. Ouais, non, mais je crois qu'ils l'ont acheté. Hein. Je crois que. Ouais. Est-ce que Stéphanie ne l'a pas acheté? Je sais pas, mais Naïma, là. Moi, je l'ai. Ah. Ça veut dire qu'il faut que tu reviennes. Ouais. Vous l'avez déjà lu? Non, j'ai pas eu le temps encore. Il faut le lire. Ouais. Donc, la personne qui parle, c'est. C'était, la bibliothèque. C'est un expert. Vous avez compris? Donc, il explique tout simplement, parce que j'ai vu une petite bande-annonce, il explique tout simplement que c'est une décision européenne d'instruire 10% de la population pour être des administrateurs. Le reste, c'est pour être des fonctionnaires, comment on appelle des employés, oubliés. Des oubliés. Et donc vous imaginez ce que ça veut dire, c'est catastrophique. C'est-à-dire que l'élite va définir ce que doit être l'humanité. Mais c'est comme ça qu'ils définissent un état. Non, mais attendez là, c'est catastrophique. Ouais, c'est catastrophique. Qui sait que ces 90% qui restent, combien d'intelligents parmi eux qui peuvent produire de la connaissance qui sera utile pour toute l'humanité? Donc plus que les 10%. Vous avez compris? Chaque individu, chaque personne que nous voyons, est un producteur de connaissances. Chaque individu. Des fois, vous marchez, vous avez des idées qui vous viennent à la tête, dans l'esprit. Ne pensez pas que ces idées-là ne sont pas utiles. Puisque nous n'avons pas confiance en nous, des fois, nous ne considérons pas ces idées-là. Surtout quand c'est des expériences dans le domaine de votre travail. Sachez très bien que cette idée, si vous prenez un stylo et que vous la marquez, ça va vous être utile quelqu'un un jour et ça peut être utile pour quelqu'un d'autre. Donc vous voyez cette idée que vous avez notée, ça a servi à des gens. C'est ça la connaissance, c'est pas autre chose. Vous voyez. Maintenant, si on veut bloquer tout un 90% d'une population pour uniquement notre cupidité, financière, c'est catastrophique. Financière, c'est pas autre chose. Ah oui, c'est que ça. Bon, c'est pas qu'il y a d'autres idéologies derrière. Non, laisse toutes ces idéologies-là. C'est tout seulement. Excuse-moi, le livre, c'est la fabrique du crétin. La fabrique du crétin, il y a un et deux. Après, il y en a un autre, c'est le crétin digital, moi, je l'avais acheté. Ah, digital. La fabrique du crétin digital. Ah. Mais c'est pas le même auteur, hein. Le même, il y a un et deux, je pense. Non. Il y a aussi le... Ouais, c'est les dangers des écrans pour le monde. Desmurger. Ah, je le connais, celui qui avait fait TV de Lobotomie. Michel Desmurger. Oui. Ouais. Allez, vous lui dites qu'il y a des livres. Non, mais tu mettais le Bobology, je l'ai lu, il est déjà là. Je me souviens quand il m'avait taxonné. Je l'ai lu, c'est moi-même qui vous a dit de le lire, il est là. Il est quelque part là-bas, c'est pas loin, hein. À c'est côté de. Oh ouais, c'est donc, le voilà. En gris là. Ouais. Ah oui. Oui. Ah oui. Donc, bah, pour revenir, et d'ailleurs, aussi, c'est la grosse erreur dans laquelle tombe l'humanité aujourd'hui. On va voir que la société occidentale uniformise le monde dans sa culture. C'est-à-dire que tout le monde entier devient l'Occident. Vous voyez, tout le monde construit comme l'Occident, tout le monde s'habille comme l'Occident, tout le monde ta-ta-ta-ta-ta. Alors que ça, c'est une catastrophe pour l'humanité entière, parce que chaque peuple, chaque société ou chaque peuple a une richesse culturelle qu'il peut offrir à l'humanité. L'uniformisation égale la destruction totale de toutes ces cultures-là et obtenir, garder une seule mode de vie. Vous voyez. Et je m'étonne beaucoup quand je vois chez nous la déco. Les gens construisent les mêmes maisons que vous avez, salle à manger, ainsi de suite, à l'intérieur. Vous voyez. Alors que les gens utilisent le gaz. Une petite explosion de bonbons de gaz, c'est pas comme les gaz de ville, tout ça, ça peut entraîner à l'assumation que la maison tout se consomme. Alors que traditionnellement, dans les pays chauds, on n'a pas besoin de la cuisine à l'intérieur, parce qu'en Occident, les pays froids ont besoin de tout à l'intérieur, comme ça on peut fermer tout, pour permettre à la chaleur, concentrer la chaleur à l'intérieur. Et vous voyez, même les personnes qui ont des grands balcons ou bien des petits jardins, ils essayent de mettre des formes de serre pour garder la chaleur à l'intérieur. Donc, ça veut dire que le modèle qu'ils prennent, c'est généralement les personnes qui vont venir ici et qui vont aller là-bas, qui vont prendre des modèles qu'ils ont vus ici et vouloir le rétablir là-bas, donc ce qu'on peut appeler le mimétisme intellectuel. Donc du coup, sans se rendre compte que l'homme cuisine en fonction de son milieu. Ça, on parle de tradition culinaire, tradition de cuisine. Vous voyez, c'est une tradition. Une tradition et les circonstances liées à son environnement. Ça, c'est un. L'homme construit également en fonction des phénomènes de sa nature. La pluie, le vent et toutes ces choses-là. Vous voyez. Mais quand vous prenez un plan architectural d'un milieu qui est conçu dans ce milieu-là en fonction des circonstances climatiques et des circonstances de phénomènes, que vous la menez quelque part qui n'a rien à voir avec cet endroit, c'est une bêtise. Est-ce que vous avez compris ? Voilà. Ouais, c'est pareil, c'est contre nature. Exactement. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est vraiment, quand on revient à la racine de notre cours, je pense que toutes ces choses-là ont des relations avec notre bonheur et notre malheur. J'ai une question pour Mathieu. Oui. J'ai vu deux vidéos, enfin une je l'ai vue et voilà, et une autre c'était une info que j'avais lue dans les news, mais je vais t'expliquer, tu vas vite comprendre pourquoi je t'en parle. Donc pour résumer, il faut vraiment être comme on est. Il ne faut pas chercher à être comme les autres. La grande majorité de ceux qui font en sorte que nous sommes malheureux, c'est parce qu'on veut se comporter comme les autres. Ou bien, on agit en fonction des autres. Et c'est là qu'il va venir à ce que je suis en train de dire. Quand je parlais de l'intérêt pour lequel on fait la chose, on l'a fait pour nous et on ne se casse pas la tête de l'autre. Vous voyez. Quelles qu'en soient les circonstances, si elle est bien faite, l'autre trouver à son compte. Vous voyez. Donc, ça c'est très important. Être ce qu'on est, dans ce qu'on fait. Se mettre au centre de toutes nos préoccupations. Nous, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est comme ça. Vous voyez. Fundji, ça me fait penser à les adolescents. Mm-hmm. Ils construisent leur personnalité. Quand ils rentrent au collège, au lycée, et c'est ça, ils veulent se conformer au groupe dominant. Oui, mais c'est ça le terme que je vous ai envoyé. En fait, ce n'est pas que les adolescents, c'est chez eux qu'on a ça beaucoup plus. Parce qu'eux, ils sont dans une... Ils affranchissent une frontière de l'enfance à l'adolescence. L'adolescence, c'est la période où la personne sort d'une période et veut rentrer. Aspire à rentrer dans un autre, ça veut dire il aspire à être comme les grands, vous voyez. Donc dans cette période, elle est très troublante, cette période est troublante, vous voyez. C'est pour ça les gens voyaient beaucoup l'adolescence, la période de rébellion, ainsi de suite. D'ailleurs, le livre que je vous ai dit de lire, il disait que les gens pensent que les adolescents sont rebelles et tout ça. Il dit non, ils ne font ça qu'avec leurs parents. En réalité, ils ne sont pas rebelles. C'est vrai que souvent, en plus, ils le décrivent dehors et les gens, ils ne voient pas ça dehors. Oui. Comment ça? Oui, ça n'a rien à voir. La mère, elle va parler à quelqu'un, ou tu vois, elle va parler dans le cercle familial, elle va dire, oh, il fait ça et tout. Et les autres qui voient de lui, c'est pas ce qu'elle fait. Ah oui, c'est non, voilà. Voilà. C'est qu'avec les parents qu'ils sont comme ça. Avec les autres, surtout avec leurs camarades, c'est des moutons. Vous avez compris. C'est quoi la bonne attitude du parent face à ça? Face à l'enfant, oui. En fait, il faut que les parents comprennent tout simplement ce que c'est l'adolescence. Ouais. La grande partie, le grand problème, c'est qu'on ne connaît pas l'adolescence. Donc, l'adolescence, c'est cette période, comme je viens de le dire, que l'enfant est nouveau, aspire à être un homme, si c'est un homme, un garçon, c'est être une fille. Donc, on voit de la fille, c'est à ce moment-là qu'elle va avoir les critères qui marquent la féminité. Vous voyez. Donc pour elle, elle est devenue femme. Vous voyez. Donc du coup, elle a peut-être la même taille que sa mère, peut-être même plus. Elle est grande, elle est fille. Donc pourquoi on va l'empêcher de faire ce que elle veut faire et que c'est les autres qui choisissent pour elle ce qu'elle doit faire, alors que elle a tout ce qu'il faut pour faire ce qu'elle doit faire. Vous voyez. Est-ce que je peux faire une parenthèse? Est-ce que cette crise adolescente, après c'est une impression, je me trompe peut-être, mais est-ce que c'est que en Occident? Non, c'est le monde. Non, c'est l'être humain. L'être humain est comme ça. Ah ouais. C'est l'humanité. C'est un passage. Voilà, c'est l'humanité. C'est un passage. Seulement, les choses se manifestent en fonction des circonstances dans lesquelles les personnes vivent. Oui. Mais donc, du coup, il faut laisser faire. L'Occident a ses circonstances. Ouais. D'autres endroits aussi ont ses circonstances. Ouais. J'ai vu une fois dans une vidéo des jeunes arabes, je ne sais pas, c'est dans le Khalid, ils font des trucs avec des voitures, mais c'est fou. Parce que c'est ce qu'ils ont. Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu parles d'une certaine tribu, il y a une initiation africaine, il y a une initiation à faire dans ça. Par exemple, dans les pays comme la Guinée, avant, c'est à ce moment-là qu'ils font la circoncision. Même les hommes de grande taille au Kenya, les Maasai. Donc il y a beaucoup d'initiations dans les sociétés dites archaïques qu'ils font aux enfants dans cette période-là. Cette transition. Ces rites sont importants. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de comprendre comment l'enfant est et d'être doux avec lui. Je vous donne un exemple. Un exemple, c'est le Coran. Vous avez une sourate, sourate Luqman. Je savais que vous allez dire ça. Oui, bien sûr. Si vous les analysez, comment Luqman parlait à son fils. Vous voyez. Et donc, il parle à son fils avec l'affection. Il la responsabilise. Vous voyez, il la responsabilise. Donc, c'est l'attitude qu'il faut avoir face à un enfant dans cet âge-là. la dictature ne fonctionne pas avec eux, le laxisme total aussi ne fonctionne pas. Oui. Il y a un petit peu de dictature quand même. Est-ce qu'il faut qu'on conseille et lui dire je te conseille, je te fais confiance? Non, il faut le laisser dans. Il faut le laisser si vous allez. Il faut le laisser faire les choses. En fait, il faut lui responsabiliser, lui donner des responsabilités. Mais quand même, je veux dire, le laisser faire, mais il y a des limites. Bien sûr, tout a des limites. Okay. Toi-même, tu as des limites. Okay. Donc lui aussi, il va avoir des limites. Non. En fait, il ne faut pas dire. En fait, moi, je pense que même l'erreur qu'on craint, que l'enfant tombe dans une erreur, nous, les grands, oui, nous avons cette idée-là. Mais moi, je pense que tous les gens doivent faire des erreurs dans la vie. Parce que, en réalité, on ne peut pas connaître la vie si on ne se trompe pas. C'est l'erreur que nous allons commettre, c'est cette erreur-là qui va nous faire avancer. Et d'ailleurs, même si on essaye d'éviter nos enfants de tomber dans des erreurs, on ne peut pas les empêcher. Beaucoup de choses, si l'enfant ne fait pas l'expérience par lui-même, quelle qu'en soit la théorie qu'on lui donne, il ne va pas comprendre. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Tu as beau lui dire, ne fais pas ça, fais ça, mais quand même, il va le faire. D'ailleurs, il disait que le cerveau s'oppose au terme négatif. Donc il faut transformer les phrases en En tout cas, c'est ça. Peut-être il faut, si vous avez le texte des versets. Ces techniques, elles sont utilisées dans le commerce. Ouais. Il faut l'utiliser aussi dans notre éducation. Oui. Il ne faut pas demander. En fait, on pense que aimer un enfant, c'est de la caresser, ainsi de suite. Moi, je pense que non. Je pense que vraiment, il faut qu'on mette les enfants devant leurs défis. Et de ne pas avoir peur des dangers aux enfants. Vous avez compris? De toutes les façons, c'est les dangers de la vie que tôt ou tard, il va affronter. Donc, il faut qu'il les affronte dès maintenant. Il ne faut pas le protéger de sa Ahmad. Donne-moi un exemple, par exemple. Comment on peut protéger? Un exemple. En laissant pas sortir pour. Voilà, tu vois, ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Donc vous voyez, ça c'est un problème. Non, mais quand je dis, admettons, il va là une soirée, elle va le retrouver. Tu lui dis, tu n'y vas pas. Le téléphone à email, il a trouvé une page bête, il a trouvé un téléphone. Ils ont toujours un moyen, comme nous on l'a fait en réalité. Nous on n'avait pas les téléphones, mais on avait autre chose. On a toujours trouvé une solution. En tout cas, c'est très compliqué, c'est très très difficile. Dans ce sens-là, il faut tout simplement essayer de créer un climat dans lequel on donne confiance à l'enfant. Vous voyez, c'est tout simplement ça. La confiance. Si vous voulez connaître ce que votre enfant doit faire, il ne faut pas, même si vous l'espionnez, faire en sorte qu'il ne le sait pas. Parce que s'il sait que vous êtes sur son dos, il va changer de stratégie. De manière qu'il va camoufler des choses qu'on ne peut pas savoir. C'est sûr. Vous voyez. Moi, je me souviens quand j'ai cette confiance-là, quand j'étais petite, on me l'a donnée. Et si j'avais le malheur de... Enfin, c'était quelque chose... C'était une peur de perdre la confiance de mes parents. De décevoir. En fait, voilà, la déception, c'était quelque chose de... Ah, mais, bien sûr. Voilà, c'est... Et prenez le verset que je vous ai dit, lisez un peu, on va voir. C'est lequel vous avez dit? J'ai dit Luqman, tout de suite je l'ai dit. Non, Luqman, oui, mais vous avez pas, vous avez dit la sourate, ouais, vous n'avez pas précisé le verset. Vas-y dans la sourate. J'avais un livre des sagesses de Luqman. Oui, c'est moi, je l'ai. Vas-y. Non, elle a le livre à la maison. J'ai oublié le livre à la maison. Ah. Il est très long d'ailleurs. Je pense que c'est le 12e ayah, entre 12 et 9. 12 et 9. Regardez d'abord. C'est le verset 13 quand il parle à son fils. Voilà. Non, j'arrive pas à le charger. Vas-y, qui va lire? Internet. C'est lent, ça ne s'ouvre pas la page. Vas-y, je t'écoute. Verset 13 ou 12 13 Le 13. Lis-moi le 12 d'abord. Et lorsque Luqman dit à son fils... C'est ça le 12? Non, c'est le 13. Voilà, c'est ça. Lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, « Oh mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, car l'association... » Attention, quand on dit 12, c'est la fin. Ah, tu prends la fin du Non, non. La fin du verset, c'est lui qui est 12. Verset 12. Le verset 12. Le chiffre est où? Au début ou à la fin? Il est au début, lui. Ah, voilà, c'est la fin. C'est, donc c'est le. Non, mais je lis en français, je lis pas en arabe. Ah, ok. Donc le chiffre, il est là. Vas-y, vas-y, vas-y. C'était pas le bon verset? Non, non, vas-y, c'est ça. C'est le verset que tu es en train de lire. Vas-y. Et lorsque l'Ousmane dit. Lokman dit à son fils tout en l'exerçant. En l'exhortant, oh mon fils, ne donne pas d'associé à. D'ailleurs, regardez, il dit oh mon fils. En français, quand on dit oh mon fils, c'est différent quand on dit en arabe ya abunaya. Il a utilisé avec un terme, je ne sais pas, on l'appelle le diminutif. Donc, comme si vous dites oh mon petit fils. Ça, c'est plus affectueux en arabe, vous voulez dire? Oh mon petit fils, vous voyez. Pas le petit fils dans le terme de. Oh mon petit alors. Voilà, oh mon petit. Mais bunaya, c'est différent de yabni. Ah. Ibni est mon fils. Bunaya, mon fiston ou mon fils, mais dans le terme petit. Mm. Vous voyez, donc ça c'est un terme qu'on utilise affectivement. Mm. Mm. Oh mon petit bébé, par exemple. Vous voyez, donc regarde son père. Et dans les versets suivants, il dit oh mon enfant aussi. Voilà. Il y a cette manière de s'adresser à lui. Donc, ce que je voudrais dire tout simplement, regardez l'expression de Lukman à l'égard de son enfant. Et cet enfant-là est justement à l'âge de la puberté. L'adolescence plutôt. Je... Ou bien c'est ça? Dans l'âge de l'adolescence. Donc c'est comme ça quand tu parles à ton enfant qui est adolescent. Vous êtes, c'est un témoignage d'amour. Vous lui montrez que vous l'aimez. Parce que les enfants adolescents ont tendance de penser qu'on est contre eux. C'est sûr. On les aime pas. J'ai pas fini. Ne dépose pas. Vous avez compris? Oui. Donc là, ce terme veut dire que je t'aime, fils. Vous n'avez pas besoin de dire je t'aime. Ah, mais oui, ça va. Vous voyez, c'est dans un autre style, ça change. Pourquoi? Non, vous n'avez pas besoin, en fait. Pourquoi on n'a pas besoin de manifestez-le. Plus que le dire. On peut faire les deux. Hein. Oui, je suis parfaitement d'accord, mais la manifestation est beaucoup plus démonstrative, importante que de le dire. Parce qu'on peut dire certaines choses qui ne sont pas dans notre cœur. Mais quand on la manifeste, c'est qu'elle sort de l'intérieur. Vas-y, continue. Alors. Les enfants peuvent nous attaquer même. Tu dis je t'aime, après tu fais quelque chose, mais attendez, madame, maman, tu m'as dit tu m'aimes un peu, tu m'as fait ça. C'est contradictoire. Donc du coup. Il y a deux minutes, tu étais gentil avec moi, tu m'aimais. Maintenant, voilà. C'est quoi le problème? Donc du coup, bon, après c'est il y a des conceptions culturelles. Continue. Le verset suivant. Il continue quand je te dis continue, c'est le suivant. Tu as dit certaines associations de justice énorme ou pas? Oui. Dieu glorifie. Non, c'est bon, ça ira. Nous avons commandé. Non, non. Répète. Reprends. J'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Oui, vas-y. Reprends le verset. Ce que tu as lu. Et lorsque le Hokman dit à son fils, tout en l'exerçant et l'exhortant, mon fils ne donne pas d'associé à Allah. Car l'association est vraiment une injustice énorme. Donc vous voyez ici, en fait, la première des choses qu'il enseigne à son enfant, c'est le devoir. Son devoir. Et le devoir, c'est le devoir qu'on a premièrement vis-à-vis à Dieu. Donc c'est de ça qu'il parle. Ensuite, le devoir qu'on peut avoir vis-à-vis à notre environnement. D'abord, le devoir vis-à-vis à nous-mêmes. Ensuite, vis-à-vis à ceux qui nous entourent. En commençant par la famille. Ensuite, du plus loin au plus loin. Donc, première chose qu'il faut que nous enseignions à nos enfants adolescents, c'est le devoir. Il n'y a pas que le droit. Il y a aussi le devoir. Vous voyez. Et je pense que aujourd'hui, dans la société française que je connais, on enseigne beaucoup plus le droit que le devoir. Ouais. On fait savoir aux enfants plus leurs droits. Et mon garçon m'a ramené un texte de l'école justement sur les droits de l'enfant. Voilà. Et surtout le texte, il y avait une phrase sur les deux, tu sais, sur les envers les parents quoi. J'ai dit je vais voir ça à mes traits, je vais dire les droits sur les parents. C'est ça le problème, parce que les enfants dans leur esprit que leurs droits, mais pas leurs devoirs. Alors que c'est d'abord le devoir qu'on leur a, on doit les apprendre. Après le droit. Le devoir d'abord, oui. C'est pas le droit qui donne le devoir. Celui qui n'a pas acquitté à ses devoirs n'a pas de droit. C'est clair. Tu n'as pas fini de travailler, tu vas demander ton salaire. Et là, c'est pas possible. On y va. Nous avons commandé à l'homme la bienséance envers ses pères, sa mère. Non, ses pères et sa mère. Ses pères, en fait, ses parents. Ses pères et mère. Okay. Sa mère, la portière, suisant pour lui peine sur peine, son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi, vous voyez, premièrement, le droit de Dieu, son devoir et l'égard de Dieu. Deuxièmement, son devoir à l'égard de ses parents. Ouais. Après, c'est la parent automatiquement, c'est. Après Dieu, automatiquement, c'est ses parents. Donc, à cela, il doit toute l'allégeance. L'allégeance à Dieu, l'allégeance à ses parents. Il faut qu'il apprenne ça. La valeur qu'il porte, que Dieu porte pour lui, et la valeur que les parents portent pour lui. Il faut qu'il est conscient de ça. Vous voyez, malheureusement, encore, comme si on retire plutôt la responsabilité d'éducation des parents à l'école. Oui, malheureusement. Eh oui. Jusqu'à ce qu'on donne aux enfants des numéros de téléphone, si ton père te tape, tu... Attendez, là, déjà, on a détruit. On a démystifié. L'autorité parentale, elle est détruite. Parce que du coup, l'enfant qui doit prendre les parents comme modèle de tout, et même la base de force auprès duquel il va se plaindre, qui sont les parents, on va lui montrer que non, il y a une autre force au-dessus de ton père, auquel ton père même, tes parents même obéissent, qui sont plus forts que ton père. Donc le premier repère a été détruit. Donc du coup, ça explique pourquoi les enfants s'opposent de plus en plus aux parents. Ouais, voilà. C'est ça, exactement. C'est catastrophique. Donc c'est ça les grands problèmes que nous avons. Comment donner confiance de l'enfant à ses des parents à l'enfant, c'est ça? Voilà. C'est ça, continue. Et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont je n'ai aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon. Voilà, c'est-à-dire que l'autorité parentale a bien sûr de limites. Sa limite se définit par le droit de Dieu. Vous voyez, tu as à obéir à tes parents, mais ce n'est pas une obéissance absolue. Parce que tes parents aussi ont une autorité. L'autorité, c'est Dieu qui est le Créateur. Et c'est lui qui a été évoqué au premier. Si tes parents transgressent, rentrent dans le droit de Dieu, ils n'ont pas ce droit-là. Là, c'est la limite de l'obéissance. Donc, l'enfant doit connaître les limites de chacun. Sa limite à lui, la limite des parents, son devoir à l'égard des parents, et jusqu'à où se limite ce devoir-là. Continue. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde. Je pense. Très bien, continue. Au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment bon et parfaitement connaisseur. Et là, tu es en train d'enseigner à ton enfant qui est Dieu. Les compétences, la capacité divine, la grandeur de Dieu. Donc, il va l'apprendre. Il sait ce que c'est, qui est Dieu. Et pourquoi il a ce pouvoir qui même va limiter le pouvoir des parents. Vous voyez? Par ce qu'il est. Il a expliqué ce que sont les parents. On n'a pas rentré dans les détails quand il parlait de la mère. Que la mère garde l'enfant dans son ventre 9 mois. Donc le petit dépend de sa mère catégoriquement et totalement quand il est fœtus dans son ventre. Et donc c'est dans cette situation qu'il est né. Et là il comprendra l'importance de la mère. Vous voyez. Et là on lui explique également l'importance de Dieu, la place de Dieu. Donc il voit la place de chacun, il fait la part entre les deux places de chacun et limite le droit de chacun qui est son devoir vis-à-vis à cela. Vas-y. Ô mon enfant, accomplis la salette, commande le convenable. interdit le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre. Donc vous voyez, après que la foi qui est la base, le fondement même, est instaurée, on va lui expliquer les obligations. Les obligations qui sont la prière, le jeûne, ainsi de suite, qui constituent les piliers de la religion. Il doit remplir tous ces devoirs-là. Vas-y. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance. Ici, on parle du comportement maintenant. La manière dans laquelle il doit se comporter à l'égard de l'entourage. De ne pas dénigrer les gens. De les respecter. Dans le cadre général, il faut les respecter. Et il donne même des exemples de gestes que quand il les fait, il les font, ou il les fait, c'est des gestes de rabaissement des gens, de ne pas faire ça. Oui. Donc là, tout ça, il khad de kalinas. C'est une connotation qu'on fait avec la bouche pour dire. Minimiser quelqu'un ou bien le rabaisser. Vous voyez, il dit ne fais pas ça aux gens. Ça veut dire grosso modo, ne rabaisse pas les gens, respecte-les. Donc vous voyez ici, il enseigne à l'enfant le respect. Après qu'il lui a expliqué le droit de Dieu, le droit des parents, pourquoi les parents ont ce droit-là, pourquoi Dieu a ce droit, maintenant on va venir au droit de la société qui l'entoure. La première chose que la société qui l'entoure a à son égard, c'est d'abord d'être respecté. Vous voyez, les gens ont droit d'être respectés. N'aime pas les présomptueux pleins de glorioles. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix. Voilà. Sois quelqu'un de modeste. Ne sois pas orgueilleux. Vous voyez. Parce que, elle a bien précisé ça là, parce que les enfants dans cette période, ils ont tendance d'être hautains. Vous voyez. D'être hautains. C'est pour cela qu'il a bien précisé ces deux points-là. Donc, ne sois pas hautain. Ne sois pas orgueilleux. Continue. Car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des jeunes. Donc ne lève pas ta voix sur les gens. Ils vont crier sur vous. Ah, papa! Donc ne lève pas la voix. Parmi la répression à l'égard des gens, c'est de crier sur eux. Et sur tous les parents. Et dit lever la voix est quelque chose de positif, ben, la voix de l'âne va être la meilleure voix. Parce que l'âne, quand il crie, c'est avec un grand son. Donc pour dire que lever la voix ne servira à rien. Sauf si dans les cas de nécessité. Quand tu parles, parle doucement, avec modestie aux gens. Ils vont t'écouter. Donc, oui, fini. Ah, oui, j'ai fini. Je continue le verset. Le verset qui suit, c'est quoi? Le verset d'après. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre? Voilà. Il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Et parmi les gens, il y en a qui disputent après. C'est bon. Donc, vous voyez, on a vu comment le Coran parlait à son enfant. On a vu les choses qu'il lui enseignait. Comment les choses ont été planifiées, ordonnées en fonction de leurs priorités. Vous voyez. Donc, voilà une matière à enseigner l'adolescent, à éduquer l'adolescent. C'est-à-dire que c'est dans cette optique des choses qu'il faut vraiment parler à nos adolescents. Quand on va les parler. Mais si vous voulez vous imposer... il va avoir une certaine sorte de rapport de force entre vous et lui. Et il va être tendance de refuser. Parce que c'est un défi que vous lui lancez. Et quand il y a un défi, ben voilà, vous le défiez, il va vous défier. Même dans des familles monoparentales. Ben, pas tous pareil. Ben non, parce qu'en fait, le repère par exemple masculin ou le repère féminin, du coup, il n'est pas, il manque. Et l'autre parent, il se sent obligé de combler. Je pense que c'est sociétal. Oui, c'est problème. Sociétal, mais. Pourquoi je dis c'est sociétal? On connaît beaucoup de personnes qui ont vécu avec que leur mère, qui ont été des grands personnages, qui n'ont pas eu cet déséquilibre. Donc il ne faut pas s'inquiéter alors s'il n'y a pas forcément de modèle masculin. Ben, on fait avec ce qu'on a. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas l'avoir. Donc il ne faut pas se casser la tête avec. Donc en gros, c'est pas la peine de faire votre travail. Si le père n'est pas là, comment tu vas faire? Bah, on essaie d'être plus sévère, moi j'essaie. Attends, non, attends, si le père n'est pas là, comment tu vas faire? Bah, je fais déjà. Donc voilà. Et donc, tu n'as pas le choix, pourquoi se casser la tête avec ce qu'on ne peut pas avoir? Ouais, parce que je me dis, vu que... Ouais, mais même si tu te dis, mais qu'est-ce que ça change? Mais est-ce que je vois être que maman ou est-ce que je vois être maman et papa? Qu'est-ce que ça change? Bah, je me dis qu'elle aura... Si tu veux être papa, mais sois papa. Pourquoi tu te casses la tête? Ouais, mais sois que... papa. Je me dis, est-ce que... Tu ne peux pas être que... papa. Tu es que maman, tu peux pas être papa. Oui, mais je voulais le dire. Non, mais parce qu'en fait, je me dis, il lui manque ce modèle masculin. Je suis parfaitement d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu peux pas le dire en tant que femme. Le voilà. Masculin. Donc, admets, accepte ce qu'il y a. Donne-lui ce que toi tu as. Voilà, tout simplement. Tu as lu le livre? Mais du coup, il y a un équilibre qui manque. C'est attends, ça que je me dis attends, dans la attends, tu as lu le livre? Lequel de livre? Attends. Avant le corps de ne pas être aimé. Mais il y a quoi? Oui, je l'ai lu. Ok. Ah, c'est le livre que tu m'as conseillé. Il y a le truc le partage des tâches. Ouais. C'est-à-dire que chaque individu parmi nous fait ce qu'il a à faire et ne s'inquiète pas de ce que font les autres. C'est un peu regard le contact sans salaire, il a grandi sans père. C'est ce que je dis à ma fille. Il a grandi sans père. Non, mais même s'il a grandi sans père, il avait des ses oncles et autres. Moi, mettons mon frère, il ne fait pas du tout ce rôle-là. Tu vois, moi j'ai une autre soeur, elle a des enfants, son mari il est vivant. Bah, il est là, mais devant la fille de ma soeur, bah, il lui dit. Elle peut le trouver auprès de ses oncles. Bah, ses enfants, tu lis, ils sont des non, mais moi, mon avis dans tout ça, il ne faut pas s'inquiéter pour ce problème-là. C'est que des inquiétudes que vous avez, mais ça se limite à cette inquiétude. Vous ne pouvez rien changer là-dessus. Mais bah non, parce que moi je me dis attends, le jour pour une autre fille qu'un papa. Non, mais c'est ça, c'est que je suis en train de te dire. Fais ce que tu peux faire, le maximum de ce que tu as la capacité de faire. Le reste que tu ne peux pas faire, il ne faut pas te casser la tête dedans, sinon tu te feras des angoisses et tu te détruiras pour rien du tout. Oh, mais c'est dur. Mais c'est dur, bien sûr. Quand j'entends, oui, une fille qui grandit sans son père, elle va aller facilement, va rechercher un modèle masculin, elle va suivre n'importe quel homme, ça m'inquiète. Après, il y a aussi le pourquoi elle grandit sans son père. Il y a les circonstances de la vie qui font que, il y a le père qui délaisse ses enfants. C'est pas la même. Oui, c'est pas la même. Même si le père est décédé. Oui. Parce que c'est des aspects psychologiques. Donc, elle ne vivra pas comme un abandon, c'est ça que vous voulez. Si le père est décédé, par exemple, l'enfant comprend, c'est très bien que ce n'est la faute de personne. D'accord. Mais si le père l'abandonne, mais bien sûr il va avoir de la haine contre son père qui l'a abandonné. Donc elle est d'accord, ça y est. Oui. Donc, parce qu'un jour, quand son père va se pointer, il va peut-être des fois ne pas vouloir le rencontrer. Quand j'étais petit, tu m'as abandonné, ainsi de suite. Parce que le père est vivant, donc elle va culpabiliser son père. Elle a raison de culpabiliser son père aussi. Donc ça, ça peut avoir des impacts psychologiques. Dans ce cas-là, mais qui est différent de celui qui son père est mort. Est-ce que tu as compris? Moi, je me suis tourmentée, je me suis dit non. Ce n'est pas l'absence de masculinité dans sa vie qui compte, mais la raison. D'accord, ok. C'est ça qui compte. Le tout est un sentiment. C'est un sentiment. La manière dans laquelle la personne la sent. C'est le même truc de... Miss Bougou. Quoi? Les cinq blessures. Les cinq blessures. Oui. C'est le sentiment. En fait, ces cinq blessures-là, c'est ce que sent l'enfant. D'accord. On ne parle pas de ce qui est vrai. Peut-être la personne qui lui a fait sentir ce traumatisme avait voulu autre chose pour son bien. Mais lui, il va le sentir comme un abandon ou bien un rejet. Alors que le père l'a pas rejeté ou la mère ne l'a pas rejeté. Mais quand donc c'est ce sentiment qui mais compte. En fait, dans ma tête, je me suis... Ce sentiment, on ne la contrôle pas. L'enfant, il est comme ça, il a senti ça comme ça. Même nous, on peut sentir dans l'acte de quelqu'un quelque chose que l'autre n'avait même pas pensé, n'avait pas voulu. Mais alors moi, je me dis comme son oncle, mon frère, il est là, il est vivant, il ne s'occupe pas d'elle, il s'occupe de son autre nièce. Son oncle ne pourrait pas être comme... Elle n'aura pas quand même ce sentiment d'abandon. Les rapports entre les gens ou bien les réactions, entre les comportements entre les gens, c'est en fonction des circonstances. Par exemple, ton frère ne peut pas être comme ton mari. Ta réaction à l'égard de ton frère n'est pas la réaction que tu peux avoir à l'égard de ton mari. Même s'ils ont les mêmes âges, même s'ils ont les mêmes visages. Vous voyez, parce que ce qui est entre toi et ton mari, c'est un rapport de mari-femme. Alors que ton frère, même s'il est un garçon, c'est un rapport frère-sœur. Mmh. Donc, ton attitude à l'égard de ton mari n'est pas l'attitude à l'égard de ton frère. Voilà. Et là aussi, c'est son oncle, c'est pas son père. Mais je dis pas, c'est quand même un repère masculin, en fait, non? Oublie ce repère masculin, ouais. Ne se casse pas la tête avec. D'accord, ça va. Je disais que beaucoup de savants musulmans connus, leur père était mort avant qu'ils ne grandissent. Certains, le père est mort, ils sont nés après, et certains sont... Le père est mort après leur naissance, mais ils étaient petits. Et c'était leur mère qui était derrière eux jusqu'à ce qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ils ont produit des choses phénoménales et incroyables. Donc, les choses que nous avons, bien les problèmes qui contribuent à la constitution de nos comportements, n'est pas dû à une ou deux choses seulement. C'est une multitude de choses de l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, on ne peut pas le quadriller. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer exactement les raisons de comportement de l'être humain. Ce n'est pas possible. On peut déterminer certains, mais certaines choses, on n'arrive jamais à les voir. Parce que, crois-moi, un seul instant que va vivre un enfant dans sa vie, un événement peut avoir d'impact dans sa vie à jamais. Est-ce que tu as compris? Je pense qu'un jour, tu as reçu une claque de ton oncle, ta tante, ta sœur. On va pas dire ça. Très bien. Ta sœur, n'est-ce pas? Ouais. Ta grande sœur. Ouais. Eh bien, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce c'est pourquoi tu as reçu la claque. Oui, je sais pourquoi, parce qu'elle est folle. Ben, exactement. Non, attendez. Non. Non, mais je sais. Toi qui es folle, peut-être. Non, non. Ouais. Non, mais attends. Tu sais pourquoi je te pose cette question-là? Oui. En fait, c'est une claque que tu vas avoir. Combien de secondes? Ça dure une seconde ou deux. Même pas. Ouais. Claque, une seconde. Oui. Mais c'est quelque chose qui va rester gravé dans ton esprit que tu n'oublies jamais. Toute ta vie. Toute ta vie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a pris du temps, une heure de temps, hein. C'est une seconde. Mais un geste d'une seconde a eu un impact dans ta vie. Et la preuve, tu viens de me dire qu'elle est folle. Mais cette parole on que demande à Sarah de le dire. Non, non, attends. Cette parole que tu as dit, elle est négative. Ouais, mais... Donc tu as eu un sentiment négatif à l'égard de ta soeur à cause de cette claque qu'elle t'a donnée une seconde. C'est pas qu'une seconde tout ce qu'elle m'a fait. Non, voilà. Je parle que de la claque, moi. Du claque. Non, je suis en train de t'expliquer que multitude de choses se passent dans notre vie depuis qu'on est enfant jusqu'à ce qu'on devient ce qu'on est. Et chacune de ces choses-là, petit que ça pourrait être, peut avoir des conséquences dans notre comportement. Donc, c'est pour cela qu'on va revenir à ce terme du prophète. Ne minimisez rien de la bienfaisance. Même si vous ouvrez votre visage à votre frère. Ne minimisez jamais quelque chose dans l'éducation de votre enfant. Le moindre geste que vous pouvez imaginer va avoir des effets. Donc c'est complexe. Voilà. Et donc c'est toute cette somme-là qui est ce que nous sommes, notre comportement. Oui. Moi, je retire, elle n'était pas folle, mais c'est dans le cadre de rivalité. Non, bah, mais, non, mais je sais. Je sais qu'elle n'est pas folle. Je sais que tu étais dégoûté de ta claque que tu as eue. C'est pour ça que tu dis ça. Et justement. Non, parce qu'il m'a demandé est-ce que tu t'es reçu déjà une claque de ta soeur, ta grande soeur. Est-ce que tu t'es reçu une claque? Et de Sabrina, elle m'a déjà mis des claques. Ah, sympa. Dans quelle famille C'est un café. Oh, c'est un exemple. Ouais. C'est un exemple. Donc, ne te casse pas la tête avec cette histoire. Éduque ton enfant au maximum que tu peux. Généralement, c'est le maximum qu'on ne donne pas. Parce que des fois, on se dit donner le maximum qu'on peut. En réalité, des fois, c'est pas bon. Oui. Il y a toujours une. On peut toujours un peu savoir. C'est ça le problème. Sincèrement, c'est ça le problème. Je pense que s'il n'y a pas une personne pièce qui va nous le dire, nous montrer nos erreurs, je crois qu'on ne se rend pas compte. Hein? C'est vrai que quand il y a une personne un peu qui a un point de vue extérieur, oui. Des fois c'est comme une claque, mais du coup. Généralement, c'est des fois parce qu'on ne donne pas le maximum qu'on doit donner. Les gens ont d'autres idées, par exemple, sur l'éducation des enfants. Ils pensent que dire, par exemple, quelqu'un va dire, mais je lui ai toujours dit de faire la prière, il ne prie pas. Mais ça ne marche pas comme ça. L'éducation d'enfants ne marche pas que je l'ai dit. La première des choses, c'est quelque chose qui marche dans un processus. Et le processus commence depuis qu'il est né, d'ailleurs même dans le ventre, jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il va devenir. Et l'homme a horreur de la constance. C'est-à-dire que, enfin, on se fatigue. Vous voyez. Donc, ça veut dire que depuis avant la naissance de l'enfant, commence son éducation, se préparer pour son avenir. Quand il est là, aussi, se mettre des conditions pour qu'il vit dans un bon environnement. Quand je parle d'un bon environnement, un environnement d'une bonne éducation. Et donc tout ça, ce sont bien sûr des mots flous que je suis en train de dire, parce que l'éducation, c'est de la pratique, ce n'est pas de la théorie. Donc, ce sont des choses qui se gèrent dans la pratique. La pratique aussi, elle se fait de cas par cas. Allez. La manière dans laquelle on peut éduquer un enfant n'est pas la même manière. C'est pour ça qu'on voit dans une famille, on est de la même famille, mais nos comportements ne sont pas les mêmes. Alors que notre éducation était par les mêmes mères, et la même mère et le même père. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que à chaque enfant, vous avez un comportement quelconque qui est différent du premier. Vous voyez? Donc c'est ça. Ces comportements que vous avez, ces attitudes que vous avez à l'égard des enfants, c'est ça qui forge leur comportement. Et face à ça, il y a des enfants, justement, qui regardent. Et dans ça, il n'y a pas du bien et du mal. Hein. Il n'y a pas bien et mal. Non, parce que chacun essaye de faire le maximum qu'il fait. Qu'il peut faire. Ou bien il choisit ce qu'il pense être le mieux. On peut se tromper dans son choix. On peut penser que c'est ça qui est mieux. Par exemple, quelqu'un qui a été dur dans l'éducation de son premier enfant, et cette dureté a eu certaines conséquences pour lui sur l'enfant, va vouloir changer de tactique pour le deuxième. Parce que vous voyez, être moins dur. Vous voyez. Donc, regarde, le premier, lui, pensait que c'est la meilleure manière qu'il faut faire. Donc, ce n'est pas du mal, c'est ce qu'il pense. Après, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Mais qui te dit qu'il s'est trompé? Mais il a l'impression qu'il s'est trompé. Quand il va changer avec cet enfant-là, il va éduquer cet enfant d'une autre manière et tu vas voir que les deux enfants n'ont pas les mêmes caractéristiques. Est-ce que celui, le deuxième, ses caractères sont beaucoup mieux que le premier? Ce n'est pas obligatoire. Vous voyez? Et c'est ça l'éducation. Chaque fois, vous vous améliorez. Chaque fois, vous pensez changer des tactiques. Mais l'objectif final, c'est de bien éduquer votre enfant. Ceci ne veut pas dire qu'il va devenir ce qu'exactement vous voulez. Est-ce que ce qu'exactement vous voulez sera bien pour lui? Vous voyez, donc vraiment, c'est pas simple quand. La chose n'est pas simple. Mais faites ce que vous pouvez faire. Le reste, remettez-le à Dieu. Je suis grand-mère. C'est vrai? Je on sait plusieurs fois, mais je sais pas où. Ah bon? Ton visage, il est familier. Je pense. Ouais. Moi, ton visage, mais familier aussi. On n'a pas vécu à Frévalon? Non. Non. Comment bon, je sais pas, Naïma. Mais il me paraît que je vous ai vu. C'est Naïma Zahra. Ben oui. Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je ne t'ai pas reconnue, mais que ton village n'est pas mis, oui, c'est pour ça, machallah. J'ai vu sur Facebook, ta fille s'est mariée. Ma fille. La deuxième, elle s'est mariée. Oui, et la première aussi, non? La première, elle est mariée, elle a un enfant. D'accord, ouais. Ok. Et moi, je suis Saba, je ne sais pas si tu te souviens de moi. C'est pour ça que ton visage. Bon, donc vous, vous ne cassez pas la tête de l'éducation des enfants, ça y est, c'est fini. Moi, c'est mon éducation à moi que je veux faire. Maintenant, c'est aux enfants de faire leur travail. Toi, tu as fait ton travail. Ouais, le dernier, il a 16 ans. Ah ben c'est bon. Voilà. C'est lui qui est embêtant, c'est ça? C'est ça. C'est lui qui s'oppose. Oui. C'est lui qui affirme c'est son le temps, caractère hein, et qui c'est veut le être temps. C'est le temps. Laissez-le. Et responsabilisez-le. Laissez-le faire son, ses trucs à lui-même. Et n'intervenez que quand vous voyez que c'est difficile. Mais uniquement pour lui donner des petits conseils, mais pas pour lui faire la chose. Tu as deux filles et garçons ? Trois filles et garçons. Donc c'est ça. Oui, c'est le plus difficile, c'est en fait c'est de ne pas avoir peur. Parce que les filles, j'avais pas peur. Mais le garçon, j'ai peur. Peut-être la fille, vous êtes beaucoup plus proche. Non, c'est même pas. Non, parce que peut-être vous êtes c'est beaucoup plus proche aux ouais. filles. Non, non, avec Ayman, on est fusionnels. C'est un problème même. Ayman, le garçon. Le garçon. Est-ce que parce que c'est parce que c'est le seul garçon. C'est le dernier. Oui, exactement. Et le seul. Et le seul. Ah ouais. C'est un problème. Ça veut dire que vous avez créé une jalousie parce que les filles vont dire ah c'est la chouchou. C'est déjà fait. Ah, ouais. Voilà. Ça c'est déjà fait, la jalousie alliée, c'est ton chouchou, c'est toujours avec voilà. lui et tout. Ça c'est déjà fait. On a essayé de rééquilibrer un petit peu, mais c'est compliqué. Moi, je reconnais que l'éducation des enfants n'est pas quelque chose. Théoriquement, on est capable de dire tout et n'importe quoi. Mais quand on vient à la pratique, c'est pas facile. Et j'ai trouvé que l'éducation du garçon était plus difficile que celle des filles. Ah. Pour toi. Ouais. Ouais, c'est peut-être vrai. Mais toi, tes garçons, ils ont quel âge? 13 ans et... 13, 12. Moi, j'ai beaucoup de proximité avec mes garçons plus que mes filles. Et non, filles plus que les garçons. Mais c'est parce que vous êtes. Mais parce qu'ils sont petites aussi. Mais on dit souvent que les hommes, ils sont plus proches des filles. Et, les mamans, plus proches des garçons. Peut-être parce que. On dit que le papa, en fait, c'est lui qui donne le caractère et aux filles. Aux filles. Et la maman aux garçons. C'est ça. Moi, en fait, peut-être le problème, c'est plus qu'un comportement un peu... Je vois aux garçons que c'est des hommes qui doivent être des hommes, ils doivent être solides. Voilà, donc quand je parle, c'est direct. Avec les filles, c'est avec eux que je... Même maintenant que je lui parle, je dis... Mademoiselle, ou bien je dis Madame Fatoumatou Diatié. Je dis comme ça, quoi, la fille. La petite. Mon mari aussi, il a la relation comme ça avec ses filles. Donc, voyez. Les garçons, quand on s'appelle, bonjour papa, comment ça va là? Oui, il y a de la pudeur. Ici. C'est ça. Après, pour s'adapter, je pense. C'est. Moi, j'ai pas été. Mon papa, il était absent. Et j'étais élevée avec ma maman. Ah, dur. Bon, mon père, il est vivant, mais il est absent. Dur, ça c'était dur. Et du coup, avec mes garçons, je suis dur. Tu vois? Tu reproduis le modèle que... Je suis plus facilité avec les garçons. Je suis dur. Mais avec la moi, fille, je suis allée à l'opposé de l'éducation. Avec la fille, j'ai pas de douceur. J'ai pas, tu vois, ce truc-là, comme j'ai tout ça derrière moi. Même, j'ai que des oncles. J'ai pas de tante. Moi, je suis allée à l'opposé de l'éducation de mes parents. Ah, mais de ma mère, surtout. Mon père était très doux. Il m'a jamais levé la main. Tu vois, l'environnement, le contexte, comment t'as grandi. En tout cas... C'est que ce qu'il faut comprendre, il faut pas vraiment, j'oublie le terme, c'est-à-dire que rejeter la responsabilité, la faute des erreurs sur ni les papas ni les mamans, sur les parents en général, parce que en réalité, chaque parent que vous voyez, il n'a fait que éduquer les enfants, ses enfants par rapport à sa capacité. Oui. Donc, même s'il y a quelque chose que nous pouvons constater comme des erreurs, je parle de la grande majorité, bien sûr, il y a toujours des choses de côté, mais généralement, les gens veulent tout simplement éduquer leurs enfants, mais ils le font comme ils peuvent. Oui. Personne ne peut faire ce qu'il ne peut pas. Et on peut dire, on disait aussi que les personnes éduquent toujours à leur image. À l'image, comme elle dit, qu'elle n'a pas, qu'elle a laissé les. Vous avez dit que l'éducation de vos parents, vous ne l'avez pas suivie. Ah ouais. Mais généralement, on pense que les personnes éduquent en fonction de ce que eux-mêmes ont été éduqués. C'est-à-dire que le modèle pour eux, c'est ça le modèle. D'être comme sa mère quand il éduque ses enfants. Donc, d'être comme sa mère ou son père, quand sa mère ou son père éduquait, leur éduquait. Généralement, c'est comme ça font les gens. On n'éduque pas comme ça marche pas. Généralement, on aurait aimé être généralement. Mais ça marche pas, parce que du coup, on est tous différents. Généralement. D'ailleurs, c'est ça l'erreur. En fait, surtout, la première génération, je crois qu'il est tombé dans cette erreur-là. Il est venu avec un bagage. Mais ce bagage-là, il n'est pas conforme, en tout cas, de plus près, de la société dans laquelle il se trouve. Donc il y a eu des erreurs là-dessus. C'est-à-dire qu'ils veulent que les enfants soient comme eux, comme leur éducation qui était. Alors qu'ils oublient qu'eux étaient éduqués dans un environnement. Et les enfants dans un autre environnement, ils sont grandis. Donc les circonstances de l'environnement ont leur impact considérable sur la personne. Et donc c'est pour cela que la première génération a eu beaucoup de problèmes avec les enfants peut-être. Ah. Voilà. On s'est éloigné du bonheur. On s'est éloigné beaucoup même du bonheur. Question, mais on n'est pas dans le malheur quand même. Non, pour revenir à Chavon, je vais faire le lien. Pour revenir au bonheur. Ouais, non, le bonheur, mais par rapport dans les relations. Oui. En fait, à l'heure, tu as dit, quand tu as présenté, tu as dit que l'islam était mieux pour recalquer ou pour aller dans la continuité de tout ce qui était naturel. Du fonctionnement de la nature. L'ordre naturel. L'ordre naturel. C'est ça même le message de l'islam. Le message de l'islam, comme j'ai dit, n'est pas venu pour fonder quelque chose. En fait, c'est tout simplement pour garder les personnes dans l'ordre naturel. Tout simplement. Et quand on parle de l'ordre de Dieu, c'est ça l'ordre naturel. L'ordre naturel. C'est quand Dieu a créé la nature, il a inséré cet ordre-là dans la nature. Et l'homme est un élément de la nature. Donc, les règles de la nature jouent sur l'homme. Maintenant, comment va-t-il trouver sa voie dans cet ordre naturel, bien sûr, mais large? Est-ce que vous voyez? Ou bien comment va-t-il trouver sa voie dans cet ordre naturel saturé par l'ordre satanique? Donc il ne faut pas oublier cet élément. Allah Ta'ala, il a créé Adam, Adam était dans le paradis. Tout est innocent. Tout va bien. Jusqu'à ce que Satan fait irruption dans le paradis à côté d'Adam. À ce moment-là, il a commencé à inspirer les choses mauvaises. Vous voyez? Et donc sinon, Dieu ne va pas avoir le besoin d'envoyer un messager à l'humanité. L'humanité va rester dans cet ordre naturel. C'est parce que Satan a mis son venin. Donc, de façon que maintenant l'homme ne fait même pas la distinction du vrai ordre naturel et de l'ordre que Satan a omis dans cet ordre naturel. Ouais. Donc là, l'homme va avoir besoin d'un guide qui le guide pour faire la distinction entre l'ordre divin, donc le vrai ordre, et l'ordre satanique. Et c'est ça l'objectif du messager du prophète. C'est clair ça? Voilà. Oui, je t'écoute. Après moi, tu vois, quand tu parles d'ordre naturel, tu sais, dans mon esprit, c'est vraiment la nature, tout ce qu'il y a de naturel. Mm-hmm. Parce que toi, je sais que tu dis par exemple dans l'injustice. Oui, en fait, dans l'ordre naturel. L'ordre naturel. Bien sûr, c'est la nature. Mais familièrement, qu'est-ce qu'on appelle la nature? Est-ce que vous, je dis familièrement, quand on parle aujourd'hui en France, on dit la nature. On a les arbres, je ne sais pas moi. Ouais. D'ailleurs, on dit fit nature. Ça dit fit nature, c'est quoi? Ça n'a pas de sens des fois. Et donc, quand on parle de l'ordre naturel, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans un verset, attends, je vais le chercher, je vous le dis. Il J'arrive, hein. Ah, moi, tu dis que dans le monde animal, il n'y a pas d'injustice. Attends, je peux. Il n'y a pas. Il n'y a que la justice. Il n'y a pas d'injustice. Wallahu alam. Moi, j'ai vu des trucs là, ça m'a. Oui. Tu parles des animaux. Il se tue, bien sûr. Parce qu'en ce moment, il y a tout un dérèglement. Non, c'est quand l'animal est seul, il n'est pas mélangé avec l'homme, tout va bien. Peut-être il peut prendre le comportement humain. Attends, j'arrive. C'est quoi c'est le verset que tu as dit, c'est il n'y a pas un truc... Au moment où il n'y a pas d'oiseau, il n'y a pas d'être vivant qui marche sur terre ou d'oiseaux qui volent, qui ne sont pas comme une communauté comme vous. Qu'est-ce que ce téléphone-là me fait? Ah ouais. C'est Sourate 6, verset 38. 6. Très bien. Sourate 6, c'est Amaïda. Verset combien? 38. Voilà, c'est vrai. Nulle bête marche sur terre, nul oiseau volant de ses ailes. Oui, il y a plusieurs. Il y a plusieurs versets. Toutes les créatures sur terre et tous les oiseaux qui volent avec des ailes sont des communautés comme vous. Communauté comme vous. Nous n'avons rien ici. Mis dans ce livre, le fruit de leur Seigneur, toutes ces créatures se reconnaissent. Ça veut dire que c'est une société comme vous. Oui, verset 38. Ah, 38. Ça veut dire que c'est une société comme vous. Ouais. Vous voyez. Donc il y a la société humaine qui forme toute l'humanité entière. Il y a la société animale qui consiste de tous les animaux. Tu peux dire la société végétale aussi. Ouais. Donc. Quand on parle de société, c'est un groupe d'individus qui est formé sur des caractéristiques. Donc l'humain, l'humanité, la société humaine est formée sur les caractéristiques humaines. Les animaux ont le caractéristique animal. Et la plante, c'est la caractéristique végétale. Ceux-là ont des ensembles de règles communes. Après, chaque groupe, comme eux, ont des particularités différentes des autres, à l'intérieur de la société, il y a aussi des groupements. Est-ce que vous voyez? Donc, ces caractéristiques qui définissent chaque groupe de l'autre, c'est ça, la nature. La nature animale différencie l'animal de l'homme. On parle de la nature humaine. Quand on parle de la nature humaine, ça veut dire qu'elle est différente de la nature animale. Vous voyez? La nature végétale, ça veut dire que c'est d'ensemble de règles dans lesquelles les plantes se rassemblent, se réunissent, qui exclut l'homme et l'animal. Donc, inclusif pour toutes les plantes, pour tout ce qui est plante, et exclusif, les exclut ce qui n'est pas plante. Donc c'est ça qu'on appelle la nature ou les règles naturelles ou l'ordre naturel. C'est-à-dire qu'il y a un ordre général qui forme la nature, c'est tout ce qui existe vivant, de vie active ou de vie passive. Et de ce qui n'est pas vivant. Ouais, on a deux éléments, vivant et non vivant. La terre et toutes les couches de la terre sont des êtres qui ne sont pas vivants. L'eau, par exemple, le vent et tout ça, c'est des phénomènes. Le vent, c'est un phénomène. L'eau. Donc tout ça, ce n'est pas des êtres vivants. Maintenant, à l'opposé de cela, il y a des êtres vivants. Elles sont trois, l'animal, donc d'abord la plante, donc végétale, l'humain et l'animal. L'animal de toutes les catégories. Et ce qui fait la différence, parce que des fois on peut trouver des traits d'union, d'union entre les travestis, entre les deux catégories. La différence entre le vivant et le être vivant, le vivant il est d'abord humide, donc il a de l'eau à l'intérieur. Il évolue. Il produit. Vous voyez, il produit. Alors que ce qui n'est pas vivant, lui, il est toujours stable. Le caillou est comme il est depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, et il va continuer jusqu'à la fin. Alors que l'être vivant, la plante, il va rester, il est comme ça quelque temps, il va devenir, il va grandir, donc il évolue, après il arrive à sa maturité, et il donne sa progéniture qui va le remplacer, donc ses enfants, et il arrive à la vieillesse, il meurt. C'est le même processus que tous les êtres vivants suivent. Est-ce que tu vois? Donc c'est ça les caractéristiques du vivant. Après, parmi les vivants, il y a des caractères différents. Et donc chaque groupe a sa manière de vivre. Les animaux carnassiers est une communauté qui se distingue des autres animaux par rapport à certains critères. On peut appeler ça la nature carnassier. Oui, donc c'est ça la nature que je dis. Donc c'est pas la nature, mais c'est les natures. Donc l'homme aussi a sa nature, la nature humaine. En fait, moi je te sers, Hamad. Mm-hmm. La dernière fois, bon, moi je suis restée sur le principe que dans la nature, enfin en tout cas dans le monde animal, et surtout le monde... La nature animale, mm-hmm. qu'il n'y avait pas d'injustice. Oui. Et du coup, j'ai vu deux vidéos. J'en ai vu une et après j'ai vu un article. En fait, la première, c'était la cigogne. Tu vois, c'est quoi la cigogne? Mm-hmm. L'oiseau là. Je la connais. En fait, dans le nid, subhanallah, ça m'a beaucoup fait converger, Hamad. Mm-hmm. Elle a trois petits, elle vient les nourrir. Et en fait, dans les trois, elle voit qu'il y en a un qui est faible, elle le prend et elle le jette. Oui, je l'ai vu ça aussi. C'est pas de l'injustice. C'est pourquoi elle le fait. La survie de l'espèce. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Même moi, j'avais deux perruches. Non, en tout cas, il y a une raison. Il y en avait une qui était malade. Ben, soit il le confond avec les autres, soit il ne le considère pas son enfant, quelque chose comme ça. C'est parce qu'il m'a en fait, ou bien. Il était faible. Voilà. En fait, il était plus faible que les deux autres. Voilà. Et ouais, mais. C'est pas de justice. Ah ouais. Alors attends, il y a un autre truc. C'est... Et dans un zoo où tu vois, il y avait des esprits protégés, mm-hmm. il y avait une lionne, elle avait deux lionceaux. Et en fait, mais c'est vraiment une espèce... Et mal tue les non, enfants. Non, là, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. En fait, la lionne, là, les deux petits, les deux lionceaux, le zoo, ils les ont vaccinés. Elle, en les reniflant, elle a ouais. senti qu'ils étaient faibles, elle les a tués. Ah oui. Elle les a rejetés. Hein. Eh ben, c'est la faute de qui? C'est de la non, ça, d'accord. C'est les humains. Non, mais ça, d'accord. Mais c'est parce que Annie, regarde, sincèrement. Moi, quand je vois ça, sincèrement, ça m'énerve. Mais pourquoi vous vous ingérez dans leur vie? Vous pensez que les vaccins que vous êtes en train de mettre pour eux, mais depuis la nuit des temps, la mère, elle sait comment soigner ses enfants quand ils sont malades. Est-ce que tu vois? Et d'ailleurs, la maladie qu'on dit, on ne peut pas l'éradiquer. La maladie, des fois, a une utilité. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, cet ordre de la nature, elle a ses utilités. Annie, elle fonctionne dans un ordre donné. C'est nous qui sommes en train, par notre mauvaise compréhension, cadrer dans d'autres cadriations humaines. En fait, l'être humain pense dans sa tête pour les autres. Pouvoir gérer la nature, je pense. C'est oui, exactement. Et ça, c'est une erreur. Ouais, c'est ça. Ils se disent, si c'est une maladie animale, on peut la soigner, on va essayer de leur injecter. Voyez, laissez les animaux dans leur bouse. Et s'ils étaient malades d'une maladie grave, généralement, allez-y voir. C'est des maladies causées par l'humanité. Voilà. Donc, c'est toujours la faute de l'homme qui pense qu'il est capable de gérer. Plus fort que la nature. Il est capable de gérer les choses. Non, mais on revient à la cigogne. Le lion, c'était mais la cigogne. Alors, trois petits. Moi, personnellement, je ne peux pas dire pourquoi il a fait ça. Ils disent parce qu'il était faible. C'est vrai que tu oui. voyais qu'il n'avait pas la même croissance. Mais attends, même s'il dit qu'il est faible, c'est une compréhension humaine. Ouais. Et qui est rentré dans la tête de cette cigogne? Il faut être un cigogne pour comprendre. Non, d'accord. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Une maman qui jette son enfant. Non, elle ne jette pas. Si c'est une maman, il ne va pas jeter son enfant. Toutes les mamans du monde ont toujours aimé leur enfant. Mais si tu vois une maman fait ça, il y a une raison. Donc c'est maman qui l'a pas voulu. Est-ce que tu as vu? Elle essaye de le picorer pour qu'il puisse se réveiller. Ou alors elle a violé les deux autres. Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Ouais, parce que moi j'ai. Non, je suis d'accord. Envoie-le-moi, mais ça ne change rien. Non, je ne sais pas. Mais j'avais déjà eu des oiseaux comme ça. Il y en a un qui était, je crois qu'il y en a un qui était malade. Ouais. Et ben, l'autre, il a bouffé. Ouais, très bien. Très bien. Tu m'as rappelé quelque chose. S'il est faible, malade, et qu'il est, il a une maladie contagieuse qui peut contaminer les autres. Ils expliquent le truc. Il peut le jeter. Il était faible. Ils expliquent en fait qu'ils disent que le petit il avait ingurgité trop de gazon et il ne pouvait plus avaler quoi que ce soit. Les petits se nourrissent d'une sorte de purée de vers de terre, mais parfois ceux-ci sont recouverts de gazon à force. Le petit est devenu incapable de régurgiter sa nourriture. Il était clairement en train de mourir. Qui sait que s'il meurt dans le nid, ce comment il va devenir? Oui, en tout cas, elle a fait un geste qu'on est en train de critiquer. Si c'est parce qu'elle mange ses enfants, elle ne va pas laisser les deux. Donc, il y a un instinct animal dans lequel il a agi ce qu'il faut faire. Il a fait ce qu'il faut pour garantir la survie pour l'espèce. Bon, on recalque ça sur le modèle humain. Oui. Les relations qui sont préétablies, l'ordre naturel des choses, il fait que ta maman elle est ça, ton père c'est ça, tes frères et sœurs c'est ça, et que tu dois au nom de valeurs, et au nom de ce cheminement vers la vérité, tu dois avoir un certain comportement avec les gens. C'est ça. Parce que ça rentre dans une logique. Oui. Parce que tu as un objectif. C'est ça. T'as un truc à atteindre. C'est Mais ça. Quand dans ces gens finalement que tu n'as pas choisi, eh ben, la relation, elle est pas. Tu sens qu'elle va pas dans. Même parfois, elle va entraver ce chemin, tu vois. Bien sûr. Ben, qu'est-ce qu'on dit? Ben, ce que tu as dit tout de suite, il faut regarder l'intérêt. Quel est mon intérêt dans cela? Garder cette relation ou la couper? C'est ça qui compte. Mais parfois, c'est des relations par rapport à ça. Non, attends. Hein? Donc ça veut dire que... Attends, j'ai dit l'intérêt. Ouais. C'est compris. L'intérêt, c'est quoi? Où est mon intérêt? Mon intérêt, si je dois rester avec cette relation et que le fait que ma relation continue avec eux va continuer à détruire davantage, je crois que le mieux, c'est que je me retire depuis très tôt, avant que ça ne devienne plus catastrophique. Mais des fois, Hamad, c'est le rapport avec la maman. Je suis d'accord, même si c'est avec la maman. C'est ce que quand le mari et la femme se marient, ils s'aiment beaucoup au départ. Mais après, ça peut conduire au divorce. Mais pourquoi on en arrive là, alors que c'est la personne qu'on espère, avec tout son cœur, de vivre avec jusqu'à la fin des temps. Attends. Avec toute la fin des temps. C'est parce que tout simplement, des fois dans les couples, le divorce est mieux que de continuer à vivre. Mais ça, Hamad, le divorce, pour moi, c'est pas un truc... Ouais, mais pourquoi j'ai cité le divorce? J'écoutais tout simplement une relation d'amour rompue. Ouais, mais moi, je suis... Et là aussi, c'est la même chose. Hamad, moi, je suis dans la relation que tu dois avoir avec des gens que tu n'as pas choisi. Oui. Ta mère, un conjoint, tu l'as choisi. Un conjoint, hein? Un conjoint, tu n'as pas choisi. La voilà. Non, un conjoint, tu ne l'as pas choisi. Bah, si, on va revenir à ça. Allez, continue. Voilà, après, parce que moi, pour moi, dans mes relations, j'ai vraiment celle. Après, je sais, Hamad. Je n'ai pas choisi de te connaître. Hein. Si, c'est les circonstances qui ont voulu qu'on se connaisse. Dans le sens que tu dis. Regarde, fondamentalement, continue. Hamad, les parents, ils ont une place importante. Bien sûr. Les frères et sœurs, ils ont une place. Mais je ne sais pas, il fait partie même des parents. C'est pas les frères et sœurs, ouais, pas des parents. Le courant et l'islam, de façon générale, mais les gens, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit l'ordre naturel des choses. Tu as dit dans une famille, si le père n'a pas la place avec ses fils et bien tout sûr. Ça va chambouler tout un ordre. Mais des fois, tu vois, on croit que... Parce qu'on est dans... Mais je dis, si votre relation va encore envenimeux, quel est le moindre mal? Non, c'est clair. Voilà. Mais on n'a pas ce discours-là, Hamad. Mais je te fais le discours maintenant. Non, mais voilà. Mais après, tu faut étayer ça, tu vois, parce qu'il y a des gens qui te disent, oh, mais tu vois, là, par exemple, l'Aïd, on va te dire, oh, c'est l'Aïd quand même, ton frère, ta soeur, tu vois. Alors que tu n'as pas envie. Fondamentalement, tu n'as pas envie. Oui. Et le fait que tu le fasses, ça ne va rien changer. Et que tu vois, pour moi, c'est hypocrite. Non, attends, tu as dit quoi? Par exemple, sacrifier. Non, les rites, tu vois, les rites, c'est un jour de fête. Ok. Et relation familiale. Et on te dit, voilà, entre la famille, c'est. Tu dois aller voir la famille. C'est un jour, moi, j'ai eu le discours, c'est un jour, il faut pardonner, tu vois. Je te dis, écoute-moi très bien. Je dis, je répète ce que j'ai dit. Encore. Et j'aime beaucoup ce monsieur, la parole de ce monsieur. C'est lui qui a écrit. Attends. Allô, salam alaikum. Allô. Oh. C'est un truc là qui me dit, mais c'est important, c'est de la publicité. T'aimes beaucoup la parole de ce monsieur? Oui. Laquelle? L'éloge de la fuite. Ouais. C'est qui l'auteur? C'est ça que je suis en train de chercher. Comment il s'appelle? Attends. Tape, peut-être. C'est pas Gernès? Non, c'est pas Henri Labori. Henri Labori, voilà. C'est pour ça que je vous cite généralement, je parle de lui. Donc il disait, parce que lui il a plusieurs brevets, hein, il a. C'est pas que seulement de la fuite. Ce livre, à chaque fois, je me suis. Ah ouais, vraiment, il faut le lire. C'est très bien parce qu'il montre que la fuite. Je suis contrairement à ce qu'on pense, la fuite n'est pas quelque chose de mauvais. Eh ben, exactement. De mal. Ben, tu vois, et que la nature humaine, c'est de fuir. Pourtant, ça éduque au contraire. Ah oui, mais franchement, moi, quand je lis le livre, je l'ai trouvé vraiment très pertinente. Et c'est la réalité de la vie. Il dit l'homme toujours fuit. Il n'affronte que quand il n'a pas le choix. Quand il a le dos collé au mur, maintenant il affronte. Mmh. Mais à la base, il fuit. Et c'est très simple, hein. Si je mets, comment on appelle ça, une chaise là-bas entre toi et elle, là, et que tu vas aller aux toilettes, la première des choses que tu vas faire, c'est de chercher de prendre la chaise. Si elle est très lourde, tu vas tourner par là. Mmh. C'est-à-dire tu vas suivre la voie la plus simple, qui ne te demande pas beaucoup d'efforts. C'est vrai. Oui. Alors qu'il faut seulement mettre, il faudrait l'écarter, ça va être la voie la plus courte. Ouais. Donc c'est ça la fuite. Vous avez fui l'effort. Donc il dit, dans toute notre vie, c'est comme ça. Oui. On fuit même, si on a de quoi manger, qui est dur à mâcher, on va chercher celui qui est mou. Ainsi de suite. Donc, lui disait que c'est lui qui va faire les recherches sur, il disait les phobies. Quand quelqu'un vient chez lui pour des soins psychologiques, il est psychologue, il est aussi en même temps médecin, il dit je vais lui poser seulement la question de ce qu'il déteste ou il craint. S'il craint la chose, par exemple, s'il me dit il n'aime pas le chat, il craint le chat, je lui demande d'éviter le chat, d'empêcher de voir un chat. Et c'est fini. Le problème est résolu. Donc si je crains ma mère, j'évite ma mère. D'accord. Ah, si tu crains ta mère, tu évites ta mère. T'as compris? Maintenant, il y a deux choses. Bien sûr que dans les relations pareilles, il faut faire tous ces efforts à résoudre le problème. Ça, c'est notre devoir de le faire. Mais moi, je parle dans des choses extrêmes, dans des situations extrêmes, qu'on sait très bien. Si on insiste à vouloir régler le problème, c'est à ce moment-là qu'elle va se détériorer. Dans ce cas, laisse le problème d'abord. Ça ne veut pas dire que tu as fui le problème ou bien tu as lâché. Non. Parce que c'est une stratégie que tu as mis en place. Tu as regardé entre le monde mal, le mal de laisser et le mal de provoquer quelque chose encore plus grave. Et ça, c'est une notion coranique. Et ça fait partie aussi de l'ordre des choses. Vous voyez? C'est ça, Allah, quand il parle de l'alcool, il dit, il te demande d'appeler l'alcool. Dis-leur que dans l'alcool, il y a du profit. Il y a aussi du méfait. Mais le méfait est plus grave, plus grande que les profits. Donc l'intelligence fait en sorte que on doit laisser le petit profit pour le grand mal qui va venir. Est-ce que tu vois? Et donc, consolider la relation, elle est bien. Il y a un grand profit dedans. Couper plutôt la relation, il y a un il est mal. Mais vouloir la consolider crée un grand mal, plus grand que de la laisser. Parce que tu vois, ou de la consolider, je veux dire, donc il faut le laisser. C'est la seule solution. Non, mais parce qu'après aussi, Hama, tu vois, comment dire, déjà après, pour des gens, ça peut paraître comme des carences de patience, on n'est pas tolérant. Après, quand c'est les parents... Je suis d'accord, mais j'affiche. Il faut mettre ce que disent les gens de côté. Ouais, non, mais après, tu vois, il y a quand même matière à réfléchir, parce qu'en grand, si c'est ta mère, mais là, ça se sent que ta mère, si tu l'as pas, mais tu vois... Toi, tu sais la réalité de ce qui est. Elle a dit, ta mère, il ne m'a pas appris quelque chose de nouveau. Parce que je sais que c'est ma mère. Donc, ça, c'est un. Mais moi, je sais que le cordon ombilical va se couper d'une coupure brutale, si j'insiste. Vous voyez? Donc, laissez les petites fissures qui ne sont pas coupées rester. Peut-être elles vont se retisser. Est-ce que tu vois? Dans certaines circonstances, quand les gens ne se voient pas, ça va aller. Vous voyez? Et donc, si c'est ça qui est la stratégie, le mieux, c'est que je laisse. Est-ce que vous voyez? Donc, je voudrais te dire qu'il n'y a pas une règle là-dessus. Mais c'est en fonction de l'intérêt qu'on agit. Quel est l'intérêt entre les deux? C'est cet intérêt-là qui doit nous guider. Voilà. C'est toujours son intérêt alors. Oui, bien sûr. Son intérêt est jamais... Et son intérêt doit être lié toujours à l'intérêt de la famille. On sait ce que c'est l'intérêt de la famille. Lier les liens de la famille égale ne pas les couper. Si insister va les couper, donc il ne faut pas le couper. Parce que tu si vois, insister va les couper. Il ne faut pas, insister. Mais après, se retirer, c'est les couper. Si c'est retirer, qui va les consolider, c'est, il faut se retirer. Ah, mais alors, ça dépend, si le retirer, ça peut les couper aussi. Et ouais, voilà. Non, mais attends, si ça va les couper et que celui-là aussi, les deux les coupent, on regarde la coupure. Celui qui provoque de coupures beaucoup plus graves que l'autre. En fait, il faut voir le moindre mal. Le moindre mal. Entre les deux. Entre les deux. C'est un peu et le moindre quand mal, on, tu vois le quoi, quand on est obligé de choisir. On juge comment le moindre mal? Parce qu'en fait, je ne vais pas parler de la situation, mais moi, dans la relation avec ma mère, si je vais la voir, c'est pas bon. Très bien. Mais si je ne vais pas la voir... Par exemple, je te donne un exemple. C'est pas bon aussi. Non, je suis d'accord. Mais je te donne un exemple. Si ta mère est hyper tendue... Oui. Est-ce que tu as compris? Elle est malade. Que quand elle te voit, sa tension va monter. On sait très bien que la tension qu'elle monte, elle peut conduire à la mort. Est-ce que vous avez compris? Eh bien, dans ce cas, le mieux, c'est de ne pas aller la voir. Tu le feras plus de mal en voilà, quand à la voyant. Voilà. Donc quand tu n'allais pas la voir, elle sera beaucoup plus tranquille. Peut-être si toi tu veux la voir, ce n'est pas pour elle que tu vas, c'est pour toi. Plus maintenant. Pour ton intérêt. Non, plus maintenant. Hein? Plus maintenant. Non, mais bon, un exemple. Dans une relation, par exemple, comme ça, Hamad, où tu vois l'enfant, il a plus d'intérêt. Tu sais, après, Hamad. C'est pas possible. Dans la vie, il n'y a jamais une situation dans laquelle on n'a pas d'intérêt. Ça n'existe pas. Peut-être qu'on le sait. Non, pas. Il n'a plus d'intérêt dans une relation, par exemple, avec un de ses parents. Comment ça veut dire que ton père ou ta mère, voilà, c'est... Non, il a une obligation parentale qui est là. Il y a toujours un intérêt. Il y a toujours un intérêt. Mais à un moment donné, dans la relation, quand il s'est passé énormément de choses, quand le cœur est touché, quand on a fait un travail sur ce cœur, j'ai d'accord. Et que les sentiments ne sont plus les mêmes, parce qu'il arrive un moment où le sentiment n'est plus le même vis-à-vis de toi. Bien sûr, c'est normal. C'est logique, c'est humain. Oui. Il n'y a plus d'intérêt. Non, intérêt. Quel serait l'intérêt? Quelles qu'en soient les circonstances, il y aura d'intérêt. Donne-moi un exemple. Qu'est-ce qui vous liait? Qu'est-ce qui me liait? Avec eux. Ah, mon père, non, mon père, c'était une relation parfaite. Ma mère. Mais il y a toujours la paternité là, les liens familiaux qui vous unissent. Mais par exemple, des fois, c'est ça l'intérêt. Il reste les frères et sœurs. Oui. Mais quand les frères et sœurs, tu mets dans le même paquet, dans le même panier, c'est-à-dire que tu as... En fait, Hamad, des fois, il y a des situations où les gens, ils vont te faire plus de mal parce que le fait d'être là... Tu es en train de dire ce que je suis en train de dire tout de suite. Oui, mais tu me dis qu'il y a un intérêt, mais moi... Il y a toujours un intérêt. Je vois pas, là, c'est ça. Parce qu'il reste toujours ton frère ou ton père. Alors, tu es jalouse ou tu as relâché avec ton père ? Il reste toujours ton père ou ton frère. Quelles qu'en soient les circonstances de ce qui s'est passé entre toi et lui. Mmh. Est-ce que tu as compris ? Ouais. Maintenant, il y a eu des difficultés dans la famille, mais la fraternité, là, elle ne se casse jamais. Elle va rester comme telle. Du moment que vous êtes né du même père, oui, ou du même père et la même mère, ça y est, c'est fini. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel qui s'est fondé. Mmh. Attends. Admettons un jour. Cette personne, il s'est ressaisi, il s'est rendu compte coupable de leur problème entre toi et lui. Et qu'il revient à la maison chez toi et dit franchement, Flan, excuse-moi, je suis sûr que c'est moi qui ai tort. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ça, c'est une bonne question. Oui. Moi, je sais que je pardonnerai. Exactement. Si, admettons, mais je sais aussi, après mon histoire, même lui, même elle. Mais je sais aussi qu'en l'état des choses, avec la situation que j'ai vécue depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, changer, c'est vraiment quelque chose que j'envisage pas. Oui. Que ma mère change. Tu peux dire que j'ai la certitude que ça ne change pas. J'ai pas la certitude. Mais moi, je rentre dedans là. Ben justement. Voilà, ben justement. Puisqu'il y a cette incertitude quelque part, il faut toujours laisser sa place. À l'incertitude. À l'incertitude. Un jour, à la possibilité qu'un jour Allah la guide et lui ouvre les yeux. Qui sait ? Inch'Allah. Ah ! Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas créer un climat de manière que même si il reconnaisse sa faute, non, il ne va pas revenir. Après, Hamad, la mère, c'est particulier et le reste, c'est autre chose. Hein. Si je vous la présente, je ne sais pas si vous allez dire. Non, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Moi, je suis catégoriquement d'accord. Je suis en train de dire que, quelles qu'en soient les circonstances, les liens familiales sont fondés, même si vous devenez ennemis. Elles sont là. Vous ne pouvez rien faire. Moi, la seule chose qui pourrait. Parce que vos sens sont mélangés. Oui. Ouais, mais vous ne pouvez pas les séparer. On le rejette, ça aussi. Non, même si vous le rejetez, mais vous le rejetez dans votre tête. Mais dans la réalité, elle ne se rejette pas. Mmh. C'est vous qui avez rejeté, c'est dans votre tête. Mais elle reste toujours dans la réalité. Rien ne change. Il y a même dans des familles... Où et vos devoirs vont rester toujours. Eux, ont fait vous avez des devoirs à l'égal de lui, il a des devoirs à l'égal de vous. Voilà. Mais alors, du coup, là, dans cette relation qui est complètement... Voilà. Mon devoir à moi, c'est quoi ? Maintenant, attends, non, oui, bien sûr, c'est très bien. Même le fait que vous dites dans votre esprit, j'évite d'aller parce qu'en allant, ça va détruire encore plus ce qui était détruit. C'est pour ça que je n'allais pas. Donc, vous voyez, il y a une idée déjà d'acceptation. C'est-à-dire que vous n'allez pas parce qu'il y a une idée. Parce qu'il y a telle chose. Et telle chose n'est pas de vous, c'est de lui. Parce que vous voyez, donc vous, comme si vous êtes apte à n'importe quel moment qu'il n'y a pas cette raison d'aller. Donc, puisque vous pouvez, si vous êtes dans sa place, un jour peut-être, cette idée peut partir. Je ne dis pas concrètement qu'elle va partir. Non, mais restons, laissons toujours la possibilité. Et vous êtes resté toujours dans cette possibilité jusqu'à la fin de votre vie ou de sa vie. Donc ça reste toujours votre effort que vous faites. Que si un jour il reconnaît sa faute ou bien tel problème qui est la source de notre problème pour laquelle je n'allais pas, si telle chose n'est pas là, moi je suis prêt à aller les voir. Donc voilà. Donc déjà dans votre idée, déjà il y a ce côté positif. Les liens sont déjà là, c'est ça les liens même. D'accord. Vous ne faites pas ça à quelqu'un d'autre. Non, c'est sûr. Voilà. Donc c'est ça. D'accord. C'est ça. C'est ça votre travail. Voilà. S'il y a possibilité d'aller passer par quelqu'un que vous avez la certitude de pouvoir le raisonner, vous pouvez passer par cette personne. Non, je ne dis pas qu'il y en a. Je dis toujours. Je suis en train de parler dans la théorie, théoriquement. Ouais, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais les liens, ils sont là. vous ne pouvez rien faire. Mais parce que la personne est de telle nature, je ne me sens pas aller lui parler, parce que si je lui parle, ça va se dégénérer. Donc je laisse les choses telles qu'elles sont déjà dégénérées, elles sont déjà détruites. Je n'allais pas encore enfoncer le clou dans le plaid. Quand tu dis les liens, ils sont liés, on ne peut rien faire. Ouais, on ne peut rien faire, mais alors ? Ça fait quoi qu'on ne peut rien faire ? Mais elles sont là. Ouais, mais alors ? Mais voilà. Bah c'est tout, ils sont là. Bah, mais vous avez, tu as une responsabilité à leur égard. Qu'est-ce qui te empêche de faire cette responsabilité ? Parce qu'il y a un problème. C'est pour ça que je ne fais pas. Par exemple, dans ma responsabilité de ma famille de tous les jours, j'allais visiter mon père ou ma mère ou mes frères. Oui ? Mes parents, oui, mais mes frères... Non, non, mais tu parles de toi. Moi, je parle de le cadre général. De façon générale. Très bien. Ouais. Et donc, dans une famille normale, tout le monde, les gens se visitent de temps en temps, les gens s'appellent. En fait, il y a une cohésion entre les gens. Ouais, ouais. Et donc, ce devoir qu'ils ont, que j'ai à leur égard, ils ont à mon égard, elle est là. Pourquoi je ne le fais pas maintenant? Parce qu'il y a quelque chose qui va aggraver la situation si je le fais. C'est pour cela que je ne le fais pas. Est-ce que tu as compris? Donc moi, tant qu'il y a cette chose, je ne fais pas. Mais s'il n'y a pas ça, je le ferai. Donc j'attends jusqu'à la fin de ma vie, ou de leur vie. Le jour où cette aléa n'est pas là. Donc, je suis toujours lié à ma famille. Toujours. Il y a toujours le lien de ma famille. Et c'est ça mon intérêt. Mon intérêt ici, c'est de ne pas... Intérêt, ce n'est pas d'aggraver la situation, c'est de ne pas aggraver la situation. C'est-à-dire, je reste toujours, il reste toujours mon frère ou ma soeur ou quelqu'un, quelque chose comme ça. Et je l'aime toujours, malgré tout ce qu'il y a dans mon cœur comme rancœur. Ouais. Voilà. Mais le rancœur a une raison. Si la raison n'est pas, la rancœur n'a pas raison d'être. Vous pensez qu'on peut toujours aimer quelqu'un qui vous a fait du mal? Aimer, je sais pas. Non. On peut aimer même une personne qui nous a fait du mal. On peut le détester aussi. Est-ce que vous êtes compris? Et l'indifférence. Attends. Le truc, ce n'est pas ça. En fait, ce que je voudrais vous dire... votre haine que vous avez à l'égard de cette personne, c'est pour une raison. Oui. Vous voyez. Mais si on n'a plus de haine, si on n'a plus de haine, si on ressent plus rien. Oui, à l'égard de la personne. Même la haine, c'est un sentiment que tu as. Mais bien sûr. Si des personnes, tu n'as plus aucun sentiment. Mais s'il n'y a plus d'émotion, c'est de l'indifférence. Ouais. Hein? Genre, si la personne, elle m'est complètement indifférente. Quand bien même c'est ma mère. Bien sûr, ça veut dire que cette histoire a duré très longtemps. Ah oui. C'est le temps qui crée l'indifférence. Oui. Mais toujours, quand le temps n'est pas loin, il y a soit on a cette relation amour, je ne sais pas comment on l'appelle, avec la personne de la famille, ou bien il y a une haine où on la déteste. Oui. Vous voyez. Mais quand la chose... Parce qu'après la personne va devenir... Quand ça prend du temps, il deviendra étranger. Comme ce n'est pas de la famille. Est-ce que vous avez compris? Mais je suis sûr qu'il va toujours avoir quelque chose qui reste. Je pense aussi. Je pense qu'il y aura toujours. Il y a toujours un lien parce que ça reste une mère. Eh bien, c'est ça que je veux. Il restera toujours un lien. C'est ça que je suis en train de dire. Mais ce lien, pour moi, en fait, ça sera peut-être pour moi des regrets, mais pas par ma faute, mais par rapport à ce qu'elle a pu mais faire. Mais c'est ça que je dis. Non, mais attends, il y a deux choses. Oui, une chose, je ne sais pas. Si vous avez des regrets à son égard par rapport à ce qu'elle a fait, ça dépend. Si elle continue à le faire, ou bien elle a fait ses passés. Si elle a fait ses passés, là vous avez tort. Parce que c'est déjà passé. Vous voyez, vous essayez et c'est là qu'on vous demande de pardonner. Est-ce que vous avez compris? Si c'est votre mère, vous avez le devoir de pardonner. J'y suis pas. Après, vraiment, il y a aussi. Alors, ah, non, je ne suis pas. Non, non, mais vous êtes obligé de pardonner. J'arriverai peut-être un jour, mais là, en ayant perdu mon père il n'y a pas longtemps, en ayant vécu ce que j'ai vécu. Donc, tu sais, bien sûr, moi je parle dans la théorie parce que je ne sais pas ce que c'est réellement. Mais il faut savoir que vous aussi, vous avez le devoir de pardonner quelle qu'en soit l'amertume. C'est dur. Hein? Si c'est pardonnable. C'est un travail. À travers les parents, à travers n'importe quelle personne qu'on a le devoir à son égard, si c'est pardonnable. Maintenant, comment on peut définir la pardonnabilité? Ça, ça m'intéresse. C'est ça l'histoire. Ça, ça m'intéresse. Je ne sais pas, si quelqu'un a commis une erreur, toujours c'est la constance dans le temps. Il y a des erreurs que la personne commet, qui sont très graves. Mais c'est des erreurs instantanées. C'est-à-dire quelque chose qu'il a fait maintenant, qui passe dans le temps. Après, c'est fini. Par exemple, quelqu'un qui a volé. Vous avez compris, il a pris quelque chose. Si la chose est dans sa main, je pourrais dire, tant qu'il ne l'a pas remis, je ne pardonne pas. Vous voyez. Mais si c'est quelque chose qu'on mange, il l'a mangé déjà, c'est fini. Après, il a regretté de l'avoir fait, des choses comme ça. Mais là, nous avons tort de ne pas pardonner. On doit pardonner. Il l'a fait. Il a reconnu sa faute. Il a regretté. Quelle qu'en soit la position de la chose qui nous a pris, on ne doit pas dire je ne pardonne pas. Je vais dire aussi, ça je parle des gens de la famille, hein, le père et la mère. Après maintenant, avec les autres, c'est autre chose parce que le pardon c'est un droit. C'est pas un devoir. C'est un droit. Tu me fais quelque chose, je dis je pardonne pas. Tu me payeras et rentrer à moi. Mais les gens, ils te font passer comme un devoir. Hein? Les gens, c'est ça, c'est comme un devoir. Non, c'est pas un devoir. C'est un droit. J'ai mon droit de te pardonner. Je peux dire non, je pardonne pas. Mais si je pardonne, j'aurai beaucoup de récompenses. Donc voilà, maintenant, des parents. Maintenant dans le cadre de la famille, il y a un devoir, surtout les parents. Donc voilà les exemples que je peux donner. Maintenant, si ce n'est pas pardonnable, pourquoi? Donc voilà, la personne l'a fait, c'est fini. Des fois d'ailleurs, même la personne ne pense même pas qu'il fait du mal. Parce que n'oubliez pas que vous avez des conceptions différentes aux parents. Ils voient des choses que vous ne voyez pas parce qu'ils ont vécu dans leur environnement là-bas, au bled. Vous avez vécu dans un autre environnement. Une fille peut refuser de pardonner à ses parents parce qu'il s'est opposé à la personne qu'elle aime, par exemple. Elle a le droit? Non, non. Je ne dis pas que droit ou devoir. Je donne un exemple. Ben, des fois, les personnes vont se disputer là-dessus. La fille s'impose. Le mariage se fait quand même malgré son père et sa mère l'a refusé. Non. Et à la fin, vous allez me laisser parler. Ok. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? La fille peut dire, tant qu'il a refusé d'accepter la personne que j'aime dans ma famille, je ne lui pardonne jamais. Ça, c'est une erreur. Parce que l'histoire s'est déjà passée. Il a refusé, mais donnez-lui aussi le droit de refuser. Dans ce cas, un exemple. Donnez-lui le droit de refuser. Parce que s'il n'a pas le droit de refuser, on ne lui demande pas. Quand on demande à une personne d'accepter, c'est qu'il a le droit de refuser. Vous avez compris? S'il a dit, ben moi je ne peux pas accepter que tu te maries avec X, quel qu'en soit l'exemple bidon qu'elle va donner, ben, laissez-le. Mais de toutes les façons, vous allez faire votre mariage en dépit de lui, d'elle ou de lui, mais lui aussi a le droit de s'opposer. Ça ne doit pas être des exemples par lesquels les gens vont refuser. Par exemple, des exemples comme ça. Donc, les exemples, il y en a beaucoup. Là, je ne sais pas dans ce cas lequel, mais vous regardez, ne nous le dis pas. Je ne le dirai pas, c'est bien trop grave. Tu sais. C'est du très, très haut niveau. Ah, c'est très bien. C'est du très haut niveau. Mais non, peut-être que je pardonnerai un jour, peut-être que j'aurai cette force un jour, c'est possible. Tout est possible. En tout cas, il faut tout simplement comprendre que des fois, les gens, d'abord un, Ils font des choses par erreur, par méconnaissance, par innocence. Par quoi? L'innocence. Non, ça c'est un. Non, je ne suis pas en train de te demander. Non. Ça, c'est un. Des innocence fois. L'innocence, comme vous avez dit, sur la conception, mes connaissances. Mais c'est ça, l'innocence. L'innocence, ça veut dire que lui pense que ce n'est pas du mal. Oui, il pense éduquer. Oui. Mais pour vous, c'est un grand mal. Oui. Vous voyez. Lui peut penser que c'est du bien pour vous. Généralement, dans les mariages, c'est ça le problème. Les parents, par exemple, chez les Comoriens, il y a une idée du grand mariage. Que les personnes vont choisir les femmes par rapport au grand mariage. Et les parents d'ici et les enfants, les parents de là-bas. Donc les parents avec les enfants, ils ont des problèmes là-dessus. Une personne qui n'est pas Comorien vient demander la main, il refuse parce qu'il veut que leur enfant. Et ça ne peut se passer que avec un Comorien. Et donc, vous voyez, donc, des problèmes comme ça, il y en a plein. Vous voyez. Et donc, toutes ces choses-là, parce que le parent, lui, il voit que le bien de la vie pour son enfant, qu'il fasse le grand mariage. C'est pas pour son enfant, c'est pour lui. Hein. Bien sûr, je suis d'accord. Mais aussi pour l'enfant. Parce que il veut. C'est sa conception. Oui, c'est sa conception. Mais là, juger si cette conception est bonne ou mauvaise, c'est toi qui la juges. Pour lui, c'est bon. Alors, t'as compris. Donc, dans des cas comme ça, la personne, quand il prend des décisions comme ça, tu peux la blâmer toute ta vie, mais lui, il pense qu'il n'a pas fait du mal. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, chacun pense qu'ils n'ont pas fait de mal. Voilà. Mais c'est ça. Donc, après, quand tu as su que tu as eu ce que tu as eu, que tu cherches plutôt, je pense qu'il faut quand même un moment l'accepter, le pardonner. Voilà. Il vous a imposé à faire quelque chose, vous avez refusé. Elle doit accepter votre choix comme vous devez aussi accepter son choix. Vous avez compris? Donc il y a tous ces problèmes de ce genre. Voilà. Les problèmes. Il peut, par exemple, certains problèmes qu'on peut des fois vraiment refuser de pardonner, tels que l'inceste. Là, c'est. c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Vous voyez. Maintenant, après, si la personne. En tout cas, Dieu, si la personne se repentisse, et se repentisse, Dieu lui pardonnera si sa repentie est sincère. Ça, c'est entre lui et Dieu, du coup. Et juridiquement, la justice lui pardonne aussi. Voilà. Oui, bien sûr. Les cléments de la justice. Voilà, voilà. Vous voyez. Donc, après, maintenant, tu ne peux pas. Toi, tu peux dire que je ne peux pas pardonner. Et ça, c'est normal. Parce que quand tu mesures les dégâts de celui qui l'a fait, même sa personne, quand elle apparaît devant toi, en fait, il crée un traumatisme à l'intérieur de la personne. Que même s'il entend le nom de la personne, il y a des réactions. Et ça, c'est très difficile de pardonner. Ça, c'est très difficile à la personne de laisser ça. C'est pas possible. Donc, vous voyez, donc, les choses, c'est cas par cas. C'est cas par cas. On s'est encore éloigné du sujet du bonheur. Oui. Parce que finalement, non, parce que regarde, le fait de comprendre ça, ça te met toi dans un aspect de dans un aspect du bonheur. Parce voilà. Que, parce que ça te décharge, ça te donne le. Tu te décharges. Quand tu coupes, entre guillemets, parce que c'est comme ça que tu le vois quand tu ne vas pas voir ta mère, par exemple. Toi, tu as l'impression de couper les liens de parenté. Et on te dit quoi? On te dit, c'est le tarahum, il faut garder les liens de parenté. Mais là, quand on t'explique que justement, en fait, c'est conditionné à tout un état, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu ressens, et que c'est pas parce que tu t'éloignes que tu coupes, et que le lien finalement il est toujours. Mais voilà, je repars. Je voilà, mais ça. J'ai laissé les sacs. Un homme vient et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous trouvez ce hadith là dans Bulugh al-Maram. Bon, il a utilisé un terme que les savants ont donné beaucoup d'explications. Il a dit Inna zawji, zawjati, aw imra'ati, la taruddu yada la misin. Littéralement, ma femme ne pousse pas la main de celui qui le touche. Est-ce que vous avez compris? Ne touche pas la main de quoi? Ne pousse pas. Certains ont dit que c'est une femme infidèle qui accepte tout celui qui passe. La main de celui qui touche, tout celui qui touche, ça y est. C'est ça que certains ont compris dans ce hadith-là. Si vous prenez Boulou Maram, vous allez voir, dans le bab du mariage et du divorce plutôt. Et les autres ont dit non. Ce hadith veut dire c'est quelqu'un qui est tellement généreuse qu'elle gaspille le bien de son mari et donne à tout celui qui passe. Ah, c'est une métaphore. Voilà, c'est une métaphore. En tout cas, quelles qu'en soient les circonstances des deux, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, divorce-la. Directement. L'homme va dire au prophète, je ne peux pas m'impatienter de son absence. Et je crains, dans une autre version, que si je la laisse, je vais la suivre. Est-ce que vous voyez? Et le prophète lui dit, garde-la donc. Donc, si nous prenons dans le premier cadre que j'ai dit, de l'explication, si c'est une femme infidèle, de cette manière, et donc on sait la règle, c'est qu'elle la divorce. C'est ça la règle. Maintenant, vis-à-vis devant le problème, le prophète sallallahu alayhi va lui donner le droit de rester avec elle. C'est-à-dire que s'il faut que tu la divorces et être parmi les prétendants, est-ce que vous avez compris? Et donc, garde-la. Bien qu'elle commette ses bêtises, quand même toi, avec elle, tu n'es pas dans le péché. C'est elle seulement qui est dans son péché. Maintenant, si tu la laisses, ben, toi aussi, tu vas rentrer dans le péché avec elle. Donc, vous voyez. Donc, c'est ça. Ça dit tout simplement qu'on regarde où est le problème, où est l'intérêt. Vous avez compris? Donc, si l'intérêt... c'est de la divorcer, c'est-à-dire que l'intérêt de base, c'était de la divorcer. Mais quand on se rend compte qu'aujourd'hui, dans cette situation, ça, ce n'est pas l'intérêt. Parce que ça va dégrader la situation. Et donc, l'intérêt, c'est de préserver le monsieur et la femme dans toutes les circonstances, qu'il la laisse ou la laisse pas, et continue de faire ce qu'elle est en train de faire. Donc voyez, voici. En fait, il n'y a pas quelque chose de binaire qui est noir et blanc. Non. Il y a, les choses se traitent en fonction de leurs circonstances. Et je dis, c'est l'intérêt qui est toujours en avance. Où est notre intérêt dans ce que nous faisons? Dans la décision que nous prenons. Alors, quand si vous regardez dans surat Al-Baqarah, Yasalunaka anil ahillati, on vous demande par rapport au croissant de l'une. Regarde ce verset-là. Et non, c'est à côté directement après ça. Cherche le texte et tu me l'as lu. C'est le Baqarah. C'est quel verset, vous savez? Ben justement, je ne me rappelle pas du verset, madame. Hé, on téléphone. Al-Hajj. Après, il dit, oui, ça nous, la carne est chère, il est haram, il est fait une vie. C'est le verset 2, sur la 2, verset 189. Il t'interroge sur les nouvelles lunes qui, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le hajj, le pèlerinage. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah, entrer donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah afin que vous réussissiez. Ça, c'est un. Et ce qui vient après? Et c'est l'après. Si je ne me trompe pas. Oui, salon la Kahan et Shah il Haram et Kital en vie, écoute Kital en vie, écoute Kabir. C'est ça? Alors, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Ah, non, c'est pas ça. Attends, et je crois que c'est après. En tout cas, vous pouvez taper, il te demande d'après le combat dans les mois sacrés. C'est ça le début de ce verset-là. Je crois que c'est avant, non? Avant le lune. Bon, vas-y. C'est... Alors, peut-être c'est avant. Avant celui-là. Qu'on a lu tout de suite. En tout cas, je sais qu'ils sont là. À côté. Il est aussi un mot à passer. Je vais chercher le verset. Et il te questionne sur quoi, Hamak? Il te questionne à propos de la, du combat pendant les mois sacrés. Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. C'est ça. Il dit, y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah, et de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le meurtre. Écoutez très bien. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils peuvent vous détourner de votre religion. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leur action dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. C'est pour ça qu'on dit toujours que les gens ne doivent pas se baser uniquement sur le livre traduit et pensent qu'ils comprennent les règles de l'islam là-dedans. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand vous lisez un texte qui est traduit, le Coran ou n'importe quel autre, il faut toujours être avec quelqu'un qui connaît ces textes-là, vous expliquer. Vous avez besoin d'explications. Parce que si je vous demande de m'expliquer ce qu'il voulait dire dans ces textes-là, je pense que ça ne va pas être comme ça doit être. Allez-y si quelqu'un peut m'expliquer. Pourtant, c'est en français. C'est quel verset, Mouna? Moi, j'ai une interprétation, mais bon, verset 217. Voilà, vas-y, Sabah. Au prophète, les gens te questionnent à propos du fait de combattre durant les mois sacrés. Mais ça veut dire quoi? Attendez. Le combat durant ces mois, il est un péché grave, les absurdes, les possessions ne cessent d'être justes. Ça veut dire que, en fait, Dieu, il interdit le combat à ce moment-là. Mm-hmm. Mais que des fois ça va être nécessaire parce que si on le fait pas, on risque de causer un tort qui est encore beaucoup plus grave que. Il a expliqué le verset par rapport au contexte de notre parole. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ouais, mais c'est ça, parce qu'elle a compris ce qu'on est en train de dire, donc elle a utilisé le contexte pour expliquer. C'est un peu malin quoi. C'est un moindre mal. C'est un peu malin. C'est ce que tu t'entends. C'est ce qu'elle a fait, c'est malin quoi. Non, mais c'est ça ou pas? Oui, bien sûr. Écoutez très bien. C'est un peu malin ce qu'elle a fait. Bon, c'est normal, c'est mademoiselle. Juste, on peut se fixer là. C'est mademoiselle. C'est dans 10 minutes. Ok, très bien, mais on va finir ça d'abord. Parce qu'on va m'éclairer si je vais pas vite. Alors, nous, on doit rentrer. C'est simple. Vous faites Jumu'a où vendredi? Non, vous avez fini d'abord avant de partir. Elle va pas me laisser ça, la conductrice. C'est pas moi. C'est pas moi qui te laisse pas. Non, mais on va finir ça. Non, elle va pas partir. Elle va nous écouter. Ma mère, elle va l'éclater. Elle va pas partir. Elle va écouter d'abord. Assieds-toi. Allez. Je suis désolée. Regardez bien. Allez, c'est toi qui vas nous lire. Non, mais dites-nous jusqu'à ce que vous faites. Je ne fais pas, je ne peux pas. Si je ne vous explique pas avec détail, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, regardez toutes ces discussions qu'on a eues là. Si vous m'avez écouté, on n'a même pas perdu tout ce temps-là. Vas-y, lis. D'ailleurs, quoi? Le verset. Le verset 217? Je vais l'expliquer. Sur la Al-Baqara? C'est elle la conductrice? Oui. La chauffeur? Oui, moi, toujours pas le permis. Toi, tu n'as pas le permis? Non, mais ça, j'ai progressé. Oh, non, mais ça ne me regarde pas, c'est ton problème. C'est carrément une cour. Il a fait un cours sur elle a posé la question. C'est pas possible. Si elle n'était pas assez peur, peur de l'échec et tout. C'est non, maintenant, j'ai plus la peur. C'est bon, continue. La concentration, c'est d'aller derrière. Si vous voulez partir. Il t'interroge sur le fait de faire la guerre. Mais tu l'as lu ça tout à l'heure? Non, mais bien sûr, on explique. Sur le fait de faire la guerre pendant le mois sacré. Donc attendez, quel est le premier point? C'est de faire la guerre pendant le mois sacré. Est-ce que vous avez compris? Vas-y. Dis, y combattre est un péché grave. Plus... D'abord, premier point, combattre pendant le mois sacré est très grave. Mais le contexte, moi j'ai connu cette histoire. C'était l'histoire des caravanes commerciales qui allaient passer, qui allaient les attaquer. Oh, oui, un peu, c'est deux compagnons, un groupe de compagnons que le professeur a envoyé. Mais il s'avère que c'est le dernier jour des mois sacrés. De façon qu'il doutait. Vas-y. Mais plus grave encore auprès d'Allah est le fait de faire obstacle au chantier d'Allah. Donc vous voyez, il y a deux graves. Premier grave, le combat pendant le mois sacré. Quand vous combattez pendant le mois sacré, ça crée un obstacle. Parce que c'est le mois dans lequel les gens vont aller au Hajj. Et vous créez une guerre. Donc deux choses catastrophiques. Le combat crée deux choses catastrophiques quand si vous combattez pendant le mois sacré. Vas-y. D'être impie. d'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée. Voilà. D'être impie à l'égard de Dieu, ça fait trois. Et d'être impie à l'égard de la mosquée sacrée, de la mosquée sacrée. Donc voilà le mal que le combat pendant les mois sacrés crée. Vous faites obstacle aux pèlerins qui vont aller au Hajj. D'abord, c'est très grave. Deuxièmement, vous allez être obstacle aux personnes qui vont aller au Hajj. Donc, le péché d'empêcher les gens d'aller au Hajj, il est là. Le fait de transgresser le sacré et combattre le mois dans lequel le combat est interdit. Donc, deux choses. Et ensuite, vous allez être impie à l'égard d'Allah parce que Dieu a interdit, vous avez fait ce qu'il a interdit. Et vous allez également, vous avez transgressé la valeur de cet endroit, la sacralité de cet endroit sacré. Vous l'avez profané. Donc vous avez quatre péchés graves que vous allez commettre si vous combattez pendant ce mois-là. Vas-y. Vas-y. Transgresser le sacré. Voilà. D'abord. La gravité, empêcher les gens, obstacles, être impie à l'égard de Dieu, transgresser, profaner le lieu sacré. Merci. Continue, c'est pas fini. Et d'expulser de là ses habitants. Et ça constitue également d'expulser les gens de la Mecque. Quand on parle de la mosquée sacrée, on parle de Mecque, hein? Voilà. On parle de la ville de la Mecque. Continue. L'association est plus grave. Mais l'association est encore plus grave que tout ça. Vous avez compris? L'association est plus grave que le meurtre que vous allez commettre dans ces endroits-là. Suivez. Oh. Vous voulez répondre à ma mère? Mais non, mais je disais très vite. Ah, il vous appelle? Oui. Elle vous appelle? Eh ben oui. Mais vas-y là-bas, tu réponds. Non, mais attends, je voudrais que vous situiez un peu la gravité de la chose. Pour comprendre la réponse, vous voyez, et il dit le meurtre est plus grave, l'association, oui, la fitna est beaucoup plus grave que le meurtre que vous allez commettre. En combattant, il va avoir des personnes tuées et il va avoir tout ça, mais la fitna, les savants disent la fitna ici, c'est l'association, c'est pas la division, c'est l'association ici. Et donc, l'association va être beaucoup plus grave. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il dit ici? Ça veut dire que si vous ne combattez pas, malgré tout ce mal-là, si vous laissez et que vous ne voulez pas combattre parce qu'il y a tout ce mal, mais sachez très bien qu'eux vont vous combattre. Les Mécois vont vous combattre. Quand ils vous combattront, ils vont vous détruire et ils vont réinstaurer leur système d'association. Et c'est ça la fitna. Est-ce que vous avez compris? L'instauration de la fitna qui est l'association va être plus grave que tous ces péchés-là que vous commettez en combattant. Vous voyez? Et on leur a mis entre deux choses. Où est l'intérêt entre les deux? Est-ce qu'on va arrêter de se battre? Parce que, premièrement, c'est grave. Parce que c'est faire obstacle aux pèlerins. Parce que c'est être impie à l'égard de Dieu. Parce que c'est profaner les lieux, alors que si on ne combat pas, c'est l'instauration de l'association et l'effacement de tout cet ordre religieux qui est l'islam qui va se mettre en place. Donc c'est ça que Allah Ta'ala leur dit. Combattez dans ce cas est mieux que de ne pas combattre. Donc l'intérêt est de combattre parce que l'intérêt est de combattre votre ennemi, les empêcher de instaurer leurs règles d'association. Donc voilà, ça c'est la règle dans toute chose. Quand il y a ce qu'on appelle la règle du moindre mal, ce verset le dit et beaucoup de versets du Coran également le disent, et dans n'importe quel choix que nous avons à faire, c'est comme ça nous analysons la situation. On analyse quels sont les intérêts, les méfaits, et où est-ce qu'il y a l'intérêt à choisir entre les deux. Moi, c'est en fonction de cet intérêt-là, je vais agir. Voilà. Même si parfois ça peut paraître Mais les gens peuvent dire dans n'importe quelle chose, n'importe quoi. En fait, tu vois, mais l'essentiel. Il y a toujours des commentaires. Voilà. Et c'est cet intérêt, c'est ce choix-là. Ok, assalamu alaykoum. Allez, maintenant, allez-y. Attendez, Fondi, vous êtes. Allez-y. Vous êtes tout vendredi. Où? Vendredi, faites pour moi. Au bleuet. Oui, Inch'Allah. Bah, à samedi, Inch'Allah. Tu as dit vendredi, tu dis samedi. Non, mais vendredi, on se voit pas. C'est quelle heure? Je pense le matin, à partir de 10h. On l'a vu une fois, en fait, on fait tout l'heure. On ramène tous un petit truc à manger, 10h. Après, chacun vient quand il veut et on part quand si il veut. Si je peux, je viendrai de 10h jusqu'à midi. Après, je suis obligée de partir. Moi, je suis obligée de venir un petit peu avant. Ah, ici, je veux là, je crois. Jamais là, ça m'a fait plaisir. Ah, moi aussi. Bon, on va tous y aller. De toute façon, on voulait pas comprendre. Ça m'a fait très plaisir. Quoi? Oui, on va partir. Ah, bon. Elle, là, elles ont peur de... elle a peur de la matraque de maman. Ah, oui. C'est bien quand on a plus peur de ça. Moi, je n'ai pas fait peur, justement. Moi, oui. Parce que je ne suis pas chez elle, c'est tout. Apparemment, c'est une maman poule. Hein. Ah. C'est pas le bon père. Hein. C'est pas le bon père. C'est vrai. C'est contrôlante. Hein? À part si une poule, c'est violent, non. Il est où mon frère, ça? Il est là, c'est moi, ça. Ok. Ça, je vais ok. On va tous y aller, je crois que tu as tout. Ah, mais c'est seul. N'oublie pas. Eh, madame. Oui, on y va. Ah, oui.